les champions, putain! On est les champions! Non, mais tu le crois, ça? On est les champions! Non, mais c'est fou! Bon, le MHB est une nouvelle fois au firmament du handball continental. 14 titres de champion de France, 13 coupes de France, 10 coupes de la Ligue. Bonsoir à tous et bienvenue sur Sport and Chill. Vous l'avez vu, c'est un générique différent puisque c'est une émission différente. C'est la saison 4, épisode 9. Vous allez me dire, ce n'est rien, épisode 9, mais c'est la centième de Sport and Chill. Toutes les saisons confondues. Une grosse émission ce soir est prévue évidemment pour cette centième, avec un petit moment nostalgie qu'on aura évidemment dans cette émission. On va appeler certains chroniqueurs et chilleurs et chilleuses de cette première émission de Sport and Chill qui a eu lieu il y a plus de 3 ans. Déjà. Déjà. Et on verra un peu ce qui se passe pour eux et un peu leurs mots sur Sport and Chill. On a quand même ce soir deux irréductibles chillers qui sont Tim et Romain qui sont avec moi ce soir. Bonsoir les gars. Ouais, bonsoir. Ouais, c'est vrai qu'on est là depuis le début avec Romain, depuis le début de l'aventure. Donc c'est vrai que ça fait quelque chose de sur la centième. Enfin, c'est surtout, je sais pas ce que t'en penses, Romain, mais ça passe énormément vite. Pour moi, ça aurait pu être la trentième, quoi. Enfin, c'est déjà la centième. Défile. Ça défile vite, hein. Et Romain. Et puis pour une émission hebdomadaire comme la nôtre, ça veut dire 100e émission, mais du coup centième semaine qu'on vient passer des bons moments ici à Radio Campus Montpellier. Donc c'est quand même un bel événement et je pense qu'on peut être assez fier de tout ce qui a été accompli. Ouais, je pense. Ouais. On recevra ce soir quelques anciens chillers. Oui. C'est l'occasion de le dire par téléphone et puis ravi aussi que Flo fasse un petit hommage justement à ces 100 émissions et ces 4 belles saisons avec cette 4e saison qui s'entame. Très bien. Et on est bien accompagné. On est très bien accompagné également avec Yacine et Guillaume qui sont aussi avec nous ce soir. Bonsoir, bonsoir les gars. Bonsoir à tous. C'est une petite émotion de faire la centième. Honoré et ému d'assister à cette émission spéciale en guise d'anniversaire. Et évidemment, l'émission a fait son chemin depuis ces années avec un certain succès, avec une équipe toujours là, avec des fondements solides. En espérant et en augurant des avenirs meilleurs. Et le coach qui est là. Voilà. Le petit discours qui fait du bien. Bon, merci messieurs. Et on va pas finir l'émission, vous inquiétez pas. Ce soir, on va parler pêle-mêle de Top 14, de Paris-Bercy, de NBA et d'autres sports évidemment aussi au programme que Romain nous a concocté. Pardon. Et notre invité du soir, qui est notre interview débat, c'est l'e-sport. Donc Electronic Sports, pour ceux qui ne connaissent pas, qui depuis quelques années prend à part entière dans le monde du sport. Est-ce que pour vous c'est vraiment réellement légitime ou non que ça soit pris à part entière dans le monde du sport, ou où en est-on avec l'e-sport actuellement? On en parlera en seconde partie d'émission avec notre invité spécial, on en parlera tout à l'heure. Quant à tout de suite, sans transition, on passe aux résultats de la semaine. Sport and Chill, les résultats. Et on va commencer avec peut-être le plus grand événement de cette semaine, c'est le tennis avec Paris-Bercy. Et encore un nouveau vainqueur de Paris-Bercy qui est Karen Kachanov, un petit jeune qui prouve bien en ce moment, ces dernières années, qui a battu le Joker. Ouais, un mec de la next gen. C'est vrai que l'année dernière, on a vu un vainqueur assez inédit avec Jack Sock qui a défendu. Finale inédite. Ouais, finale inédite. Je vous rappelle que c'était, il jouait Krajinovic en finale, qui a firsté cette année. 5 Krajinovic. Mais Sock qui a défendu un peu ses chances parce qu'il était 150e à la race et là il est allé jusqu'en 8e de finale où il a perdu contre Dominic Thiem. Mais donc, comme tu l'as dit, c'est un jeune russe qui s'est imposé, Karen Kachanov. Donc, je pense qu'il n'était pas forcément connu du grand public, en tout cas connu des spécialistes tennis. Il faut savoir que Karen Kachanov, c'est un joueur, il est considéré comme la relève de Marat Safin, qui est son idole. C'est un joueur qui est né en 1996, donc c'est un très jeune joueur. Il atteignait là sa 3e finale de la saison déjà, après ses 2 titres à Chengdu et son titre à Marseille où il avait battu Lucas Pouille notamment. Et première finale de Masters 1000, donc il lui réussit puisqu'il bat ni plus ni moins que Novak Djokovic en finale, en 2-7 sec, 7-5, 6-4, sur une finale où vraiment il a été rigoureux du début à la fin. Il a eu une qualité de jeu qui a été constante, surtout une qualité de service qui n'a pas été faillible, surtout quand on sait qu'on affronte un Djokovic qui est toujours présent en retour, il faut être très incisif. Donc il a vraiment très bien géré sa finale. Puis bon, je pense que l'événement qu'on retiendra aussi du tournoi, c'est la demi-finale. Je pense que vous l'avez tout suivi. qui était Djokovic Federer, qui pour le coup a tenu toutes ses promesses. 3 heures de jeu, elle a été énorme. 3 heures de jeu, et fatalement Djoko en a un peu pâti en finale parce qu'on a senti qu'il était un peu fatigué. Il a eu des fautes directes et des fautes de placement qu'il n'a pas d'habitude dans son jeu. On va rappeler le score quand même. Khachanov qui s'est imposé en finale contre Djokovic 7-5, 6-4. Alors qu'en demi, Khachanov avait battu Sim assez sèchement, 6-4, 6-1. Et donc dans la demi-finale entre les deux maîtres du tournoi, enfin les deux maîtres actuels, Djokovic et Roger, Djoko avait battu Roger Federer sur deux tie-breaks, hein, 7-6, 5-7, 7-6. Où Roger Federer passe complètement à côté de son deuxième tie-break, hélas. Oui, je crois qu'il a... Son tie-break sport était rapidement mené 4-1, je crois. C'est ça, ouais, 4-1. Ouais. Lâché. Bon, après, moi j'ai trouvé que Roger, évidemment, 3 heures, il y a quel âge, 36 ans 37 ans. 37 ans, bon, c'est quand même énorme. Je crois qu'il avait quand même. Bon, il s'est fait breaker dans le 3ème set au début, si je me souviens bien. Où je l'ai trouvé un peu émoussé parce que je pense que. Non, il n'y a pas de break dans le. Il n'y a pas un seul break du match. Enfin, il y a un break dans le match, c'est dans le 2ème set à 5 partout. D'accord, c'était Roger qui s'était fait breaker ou c'était Djoko? Dans le deuxième set, oui. C'est Roger qui break à 6-5 contre Djoko. Ouais, c'est peut-être la dernière apparition de Roger. Oui, je pense. Ouais, de ce à Paris, peut-être pas, mais à Bercy, sûrement. Ah, il va faire Roland Garros une dernière fois avant de prendre sa retraite, oui, mais à Bercy. Après, ça dépend. Voilà, est-ce qu'il fera une année 2019 assez solide pour se qualifier pour les Masters, et est-ce qu'il aura besoin de venir à Paris-Bercy pour y aller On verra. Bon, je pense qu'il peut y aller quand même en faisant des belles performances Grand Chelem, mais. Je pense que ça peut lui être bénéfique pour le Master, c'est lui-même qui l'a dit, d'enchaîner des matchs à haute intensité et la demi-finale qu'il a faite. Surtout que là, il bénéficie du forfait de Raonic, donc. Oui, il a fait que 3 matchs. Et il avait dit lui-même qu'il avait besoin d'enchaîner les matchs contre des top joueurs et pas jouer des 50e mondiaux dans des tournois. Après, à souligner le parcours extraordinaire de Khachanov, parce que battre, je crois, successivement Isner, puis VRF, Sim. Et en perdant qu'un set contre Isner au tie-break. Oui. C'est la première fois d'ailleurs qu'il bat un top 3, je crois. Comment ? C'est la première fois qu'il bat un top 3. Ah, un top 3, ouais. Donc, du coup, il en bat 2, puisqu'il bat Zverev qui est numéro 3. Un petit mot de la next-gen, justement. Khachanov fait peut-être partie de... Il sera 11e mondial, d'ailleurs. De cette future de génération. On peut parler de notre russe, Medvedev. On peut parler de Zverev, l'allemand. À moindre mesure, Rublev aussi. On peut parler de Tsitsipas, surtout. Tsitsipas, Koric. De Dumour, est-ce qu'il est encore assez jeune? Non, Dumour, c'est pas un next-gen. Mais il faut savoir que dans les chiffres, il y a 5 joueurs, justement, issus de la next gen, même si ça comprend Dominic Thiem qui pour moi n'est pas un joueur de la next gen, qui ont fait finale de Masters 1000, à savoir Koric, Tsitsipas, Zverev, Thiem et donc Khachanov. Donc tous ces joueurs font partie plus ou moins de la next gen. Thiem est un peu plus vieux que les autres, mais vraiment ouais, ce sont des joueurs sur qui il va falloir compter sur l'avenir du tennis. Le mec est passé, tu avais dit quoi, de la 115e place en début d'année à la 11e actuellement. Ouais, c'est ça. Ouais. Il gagne quand même 3 titres. Hein, il gagne 2 ATP 250 à Masters 1000. C'est très costaud. Hein. Mm. Et si je me trompe pas, Khachanov, on avait eu l'occasion de le voir à l'Open Sud de France. Ouais, qui vient d'un temps en temps. Et là, peut-être que cette année, il viendra pas. Ah, c'est peut-être moins certain. Après, qui sait. C'est sûr qu'il s'alignera sur Marseille, puisqu'il a des points à défendre à l'Open Sud, c'est moins sûr. Hein. Dernière petite question sur le tournoi de Paris-Bercy. Est-ce qu'il y a une solution pour attirer plus de monde à Paris-Bercy et arrêter un peu cette. C'est pas une hypocrisie envers des joueurs, mais le fait que les joueurs déclarent forfait, ça arrive. Pas, bon, là c'était Nadal, mais il y en a d'autres qui le font aussi. Certains joueurs qui font l'impasse. Paris-Bercy est dans la mauvaise semaine. Là, c'est ça. Ce que tu as dit, c'est que la seule solution, ce serait de le déplacer, ce qui a déjà été essayé, c'est-à-dire de le mettre en janvier-février, sauf qu'en janvier, il y a l'Open d'Australie. Au final, c'est très compliqué de le caler à un moment idoine. Donc, pour l'instant, il se contente de ça, Guy Forget. Et pour le coup, je pense que cette année, c'est une édition réussie parce qu'il a eu Rafael Nadal qui devait participer. S'il n'avait pas eu forfait, il aurait joué. Et il y a quand même Djokovic, Federer qui joue. Ça se ressent au niveau des prix et des billets pas vendus, pardon. Bah, ça change un peu de l'édition laborieuse en termes, enfin, avec tout le respect que j'ai pour le joueur de l'an dernier, avec le dernier carré de l'an dernier, où bon, il y avait des avec même Jack Sock, etc. Mais enfin, c'était pas non plus de l'ampleur qu'on actuellement. Après, je crois, c'est quoi, c'est le Masters est dans une semaine, deux semaines. C'est la semaine du 18 novembre. Oui, bon voilà, c'est sûr qu'on pourra jamais arrêter l'hypocrisie. En plus, avec pour ceux qui vont éventuellement, comme Sidic, jouer une finale de Coupe Davis. En plus, ouais. Il est clair que bon, il a eu du courage de s'aligner. Je pense pas que d'autres tournois soient disposés à modifier, malgré le fait que ça se joue à Paris. Je sais pas si vous avez des idées en tête, avec quel tournoi ça pourrait. Moi, je pensais justement à. Le Sud de France. À l'Ouchange, pourquoi pas, oui. Nous, on va juste avant les Masters, c'est bien. Non, mais ouais, moi, je pensais à une solution qui est pas la plus compliquée, c'est d'intervertir la semaine Bâle-Vienne, oui. ATP 500, avec celle de Paris-Bercy. Alors, c'est vrai que pour aller chercher sa qualif au Masters, les derniers tournois, ce serait 500 points maximum, c'est ouais, vrai. Après, mais. T'as des joueurs de seconde classe qui vont peut-être être moins d'accord, quoi. Ceux qui préfèrent s'aligner sur un 500 plutôt que sur un Masters 1000 où ils doivent passer par les qualifs. Par exemple, typiquement, un mec comme Benoît Paire passera par les qualifs pour jouer un Masters 1000 alors que sur un ATP 500, non. Ouais. Ouais. Donc, ça se discute. Ok, on passe à un autre sport qui est la NBA. C'est la suite de la NBA qui a débuté depuis quelques semaines. Troisième ou quatrième semaine, ouais. Et puis, y a des belles choses en NBA en ce début d'année. Oui, il y a des belles choses, en tout cas des premières tendances qui sont en train d'être fixées. J'aurais deux petites questions que je poserai directement à Tim. J'ai bien suivi sujet. En plus, là. Alors, parmi les résultats majeurs de cette semaine, j'ai noté la victoire des Boston Celtics de Kyrie Irving. Contre Détroit 108-105, la victoire des Raptors contre Philadelphie 129-112 avec un grand Kawhi Leonard, ou encore une victoire cette fois-ci pour Philadelphie contre les Clippers 122-113 avec un gros match de Joel Embiid, auteur de 41 points et 13 rebonds. Il monte en puissance. Encore, voilà, pour vous citer un quatrième match, hein, sinon on pourra en parler de tant de matchs, parce que je trouve que, je ne sais pas si tu as, toi qui me dis que tu as bien suivi Team, on a eu une vraie belle semaine avec beaucoup de belles affiches. C'est la victoire des Raptors à nouveau contre les Los Angeles Lakers de LeBron James 121-107. Avec une paire Ibaka, Laurie très, très forte et sans Leonard effectivement lors de ce match-là. Alors moi j'ai noté trois points clés lors de cette semaine. C'est tout d'abord le fait qu'on n'a plus d'équipe invaincue en NBA. Alors c'est Denver est encore invaincu, il me semble. Il joue ce soir contre Boston et Boston peut faire l'invisibilité des Nuggets. Non, c'est déjà fait. C'est sûr. 8 victoires, non, une défaite. D'accord, ok. Il y a eu une défaite, même s'ils ont fait effectivement une grande semaine. Donc je suis même pas sûr que cette défaite date de cette semaine. Et t'as pas parlé de la défaite de Philadelphie cette nuit qui me bousille mon pari. Ni des Spurs qui a perdu les 16 points Orlando. De ouais. Bah tu es celle-là. Aussi. Ouais. Orlando effectivement. C'est scandaleux. D'Evan Fournier qui a tombé cette nuit les Spurs. Donc de DeMar DeRozan. Et donc du coup plus d'équipes invaincues en NBA. J'allais notamment parler de l'Est, parce que c'était à l'Est où il y avait deux équipes invaincues. C'était les Toronto Raptors et Milwaukee. Donc ils ont été défaits au cours de la semaine. Toronto a d'abord cédé face aux Bucks de Milwaukee 124-109 malgré l'absence du Greek Freak à Giannis Antetokounmpo. Et les Bucks ont chuté ensuite eux et du coup resteront comme la dernière franchise invaincue cette saison, petite surprise, Milwaukee, dernière franchise invaincue, contre les Boston Celtics, 117-113, où notamment Boston a arrosé de 3 points, 24-3 points lors de ce match sur 55 tentés, donc ils sont allés franco. Mais Antetokounmpo a été fini meilleur marqueur de cette rencontre. C'est hier contre Boston qui met le dunk surréaliste, il met un dunk, il prend un... Ils n'ont pas joué Boston hier, donc ça peut pas. Ouais. Non, c'était le match dont je te parle. Ouais, en tout cas, hier, il met un dunk stratosphérique. Allez le voir sur les réseaux. Il sera dans le top 10, celui-là. Ah oui. Effectivement, je fais le lien avec Giannis Antetokounmpo. Donc, c'était a priori contre les Kings de Sacramento. Oui, voilà, oui. Et auteur d'un triple-double, 26 points, 15 rebonds, 11 passes. Donc, un quotidien pour lui. Hein. Très solide et qu'on risque de revoir régulièrement au cours de la semaine. Côté français, à noter les bonnes performances de Tony Parker avec Charlotte, auteur notamment d'un double-double avec 24 points 11 passes contre Miami en sortie de banc, sa meilleure perf depuis un an et demi, et d'Evan Fournier, donc avec le Magic d'Orlando qui a battu hier soir les Spurs. Donc ma question, c'était Milwaukee en tête à l'Est, un candidat sérieux pour vous, alors qu'on imaginait peut-être une lutte à 3 entre Toronto, Boston et dans une moindre mesure Philly, même si Antetokounmpo est un grand joueur, est-ce que pour vous c'est une surprise de voir Milwaukee à cette place, et pourront-ils tenir dans le top 3, voire pourquoi pas remporter cette conférence Est? Bah après, ça reste l'Est, donc je pense qu'ils peuvent se hisser parmi les 8, ça c'est sûr. Un mec comme Giannis Antetokounmpo va monter en puissance. Il faut rappeler que c'est un jeune joueur, c'est déjà un joueur clutch pour sa franchise. Après, il me semble que Milwaukee manque un peu de profondeur de banc, donc je demande à voir sur la tendance, notamment d'ici 2-3 semaines. Mais en tout cas, c'est très prometteur comme début de saison. On voit que Boston fait un début de saison pas mal, mais un peu moins bien que ce qu'on attendait. Philadelphie, je trouve que c'est un peu poussif, notamment à l'extérieur. Les Raptors, ça restera solide. Pour moi, je pense que c'est les Raptors qui vont finir en tête de la conférence. Mais je vois bien Milwaukee se hisser entre 4e et 5e place. Dans cette tendance-là. Je vois bien effectivement Milwaukee être capable de tenir la distance à peu près à la même place que Philadelphie ou Indiana. Il y a Indiana qui performe aussi en ce moment. Avec Victor Oladipo notamment. Ouais. Donc du coup effectivement Milwaukee à suivre et pour le moment deuxième de cette conférence Est du coup derrière les Raptors, mais parce que les Raptors ont un match d'avance. Raptors 9 victoires 1 défaite, Milwaukee 8 victoires 1 défaite, ouais, donc c'est très solide, hein. Des très très beaux bilans. Et puis ensuite ma deuxième question, qui était une question concernant l'Ouest, c'était par contre la semaine assez terrible des Pelicans, des New Orleans Pelicans d'Anthony Davis et Mirotic. Est-ce une semaine véritablement inquiétante, à noter des défaites contre certes des grosses équipes, je pense peut-être que vous allez revenir là-dessus, Denver, les Warriors, Portland et les Spurs, mais voilà finalement leurs adversaires directs. Donc c'est un petit peu inquiétant dans la hiérarchie. Moi je les voyais pas loin du podium et là ils ont perdu finalement contre les 4-5 équipes qui étaient au-dessus d'eux et ils ont vraiment rétrogradé dans le classement. Ouais, c'est vrai qu'ils perdent contre les adversaires qui sont plus ou moins à leur portée. Je pense notamment à Denver, même si Denver fait un très bon début de saison. J'ai perdu l'adversaire qui joue ce soir, mais il joue à l'extérieur ce soir un match qui peut d'ores et déjà être décisif contre un de leurs concurrents directs. Je vous redirai ça dès que je le retrouve. Mais un peu. Boston. Ah ben voilà, exactement, Boston. Qui n'est pas dans la même conférence du coup, mais ça, en tout cas ça serait un vrai test pour Boston, pour les Pelicans pardon. D'ailleurs moi je vois plutôt Boston s'imposer, mais ouais, je trouve que des fois en fait les Pelicans se reposent trop sur Anthony Davis. On voit que sur la feuille de stats, non, c'est pas Boston. C'était contre le Thunder, oui. Ah voilà, je me disais c'est pas la même conférence, oui. C'est bizarre. De Westbrook qui revient en forme d'ailleurs. Mais à Oklahoma avec Paul George qui revient aussi très bien, ça va être compliqué. Mais ouais, je trouve que des fois, les Pelicans se reposent trop sur Anthony Davis. On regarde la feuille de stats, malgré son double-double, on voit que ça manque de réussite offensive. Donc, il va falloir un peu plus, je pense. Ouais, on voit que peut-être les Pelicans étaient au-dessus lors des deux premières semaines, quoi. Et puis finalement lorsque les autres ont haussé d'un cran, mais ça devient plus difficile. C'est les seuls favoris qui sont négatifs, il me semble. Bon, 4 victoires, 5 défaites. Ça fait partie avec les Rockets, peut-être. Oui, si on considère que c'est nos favoris. Ouais. Et donc pour terminer, pour moi, je voulais décerner mon petit titre de joueur de la semaine, qui revient logiquement pour moi à Derrick Rose, au vu de sa performance unique et inattendue concernant sa performance qui a été assez incroyable. C'était contre le Utah Jazz de Rudy Gobert, où le MVP de la saison 2012 a été le grand artisan de la victoire des Wolves de Minnesota 128-125. Il a inscrit 50 points, son record en carrière, dont 34 en seconde mi-temps, et qui plus est il a inscrit 6 points dans la dernière minute de jeu et réalisé le contre permettant à la franchise de conserver la victoire. Le joueur clutch par excellence. C'est énorme, il revient entre les enfers, Derrick Rose. Merci Romain pour ce point NBA. On va passer à un autre bal qui est plus ovale cette fois-ci, avec notre cher ami Yacine qui nous débrief un peu plus le rugby cette semaine. Oui. Alors on salue d'ailleurs Paul qui n'est pas là mais qui sera là bientôt évidemment. Oui, alors aujourd'hui, le week-end dernier se déroulait la 9e journée de Top 14, donc quasiment le tiers du championnat, avec pour commencer un nul entre Grenoble et Clermont 27 partout, une victoire du champion de France en titre Castres face à la section paloise 37-10, une victoire courte de 4 points 33-29 du Stade Rochelet face à Agen qui accroche le bonus défensif. Les ennuis de Perpignan continuent évidemment avec, je crois, une 8e défaite en 9 matchs à Toulon qui était aussi 12e sur 14, donc qui jouait aussi le début de son maintien malgré tout, victoire 26-16, donc une victoire laborieuse face à des Catalans qui, je pense, ça sera peut-être, on en reparlera plus tard dans le cours de la saison, mais pour moi dont le maintien sera quand même une tâche très très difficile pour les Catalans. Ils tiennent une mi-temps chaque match, quoi. Oui, donc, un score dont on peut dire que ça finit en raclée de la part de Toulouse face à l'Union Bordeaux-Bègles 40-0. Donc on va dire troisième victoire de rang pour le Stade Toulousain, qui confirme toujours plus qu'il faudra compter sur elle pour le titre, pour le Brennus. Victoire du Loup face au Stade Français, alors là pour le coup le Stade Français qui a aussi pris un gros score, 41-6. Et enfin, une défaite de Montpellier face au Racing, une jeunesse montpelliéraine qui, on en reparlera après, mais qui a perdu 27-13 à domicile. On le dira aussi, une équipe qui a été totalement remaniée par Van Cotter. Oui, je ne sais pas si tu avais une question en particulier. Alors la question que je vais poser, c'est est-ce que avec ce troisième succès de rang, Toulouse s'affirme selon vous, et je m'adresse aussi indirectement à Romain, comme un des prétendants les plus sérieux au Brennus cette année? Ça tombe bien parce que je voulais parler de Toulouse. Donc oui, le Stade toulousain qui a réalisé un grand match contre Bordeaux-Bègles. On va rester sur Toulouse, mais Bordeaux, d'ailleurs, je me permets juste de le dire en une phrase, qui est une équipe qui m'inquiète un petit peu. En tout cas, je ne les vois pas capables de se hisser dans le top 6. C'est par terrible, contre, là. Ouais, ils ont vraiment du mal à passer un cap. Et là, ils prennent une vraie rouste 40-0 à Toulouse. Bon, même si à l'extérieur, faut se l'appuyer, quoi. Ouais. Et Toulouse, par contre, qui est dans une dynamique totalement inverse. Dynamique, finalement, qui a été presque consécutive avec la défaite. Bon, même s'ils avaient fait beaucoup tourner à Montpellier, où ensuite leurs cadres sont revenus et ont fait du bien en Coupe d'Europe, hein, une très bonne entame en Coupe d'Europe. On se rappelle notamment de ce match assez surréaliste remporté avec le petit coup du sort de Maxime Médard face aux Anglais à l'extérieur. Et puis derrière ce match qui a été vraiment joué à la perfection par le Stade toulousain ce week-end, hein, contre Bordeaux, et avec deux joueurs pour moi qui ressortent du lot, qui sont Thomas Ramos, oui, l'arrière que j'attends de voir prochainement en équipe de France, et puis aussi cet ailier qui a re-signé d'ailleurs, je crois, Chelsea Colby, qui est voilà, un ailier certes sud-africain, mais pour le coup dans le profil me plaît beaucoup, fait d'appui, un cadrage débordement d'école également en H-Cup, je me rappelle, pour offrir un essai. Et donc on retrouve le jeu à la toulousaine, fait de passes, mais contrairement à d'autres années, pas de passes stériles, de passes qui permettent de créer des intervalles et de faire du beau jeu. Ils ont régalé, je crois qu'il y a 5 essais dans ce match. Oui, et pour ce qui est de la course à la qualification pour les playoffs, pour les barrages ou demi-finales directes, je pense que Toulouse sera pas forcément dans le top 2, mais sera une équipe véritablement à suivre et en mesure d'aller chercher un barrage au domicile. Donc oui, pour moi, assurément une équipe à suivre dans la course au Brennus. Une autre question que je voulais poser, alors oui, vas-y Flo, si tu veux réagir à cette question. Juste une petite dernière question. Oui, oui, juste une question parce qu'on parlera de Montpellier par la suite, mais je voulais justement parler du Racing brièvement en dernière question. Bon, la victoire du Racing, je le disais, face à une jeunesse montpelliéraine, n'est pas si étonnante que ça. Le souci, je me demande si le Racing, avec cet effectif, est plus que jamais taillé, c'est une question qu'on ressassera dans les futures émissions également, pour lutter sur les deux compétitions. Ils sont quand même bien placés aussi en H-Cup. Pour l'instant, bon, ils ne sont pas encore dans le top 2, directement qualificatifs pour les demi de top 14, mais ils seront largement, je pense, qualifiés pour les barrages, voire mieux. Est-ce que, voilà, selon vous aussi, le Racing peut lutter dans les deux compétitions, avec l'effectif 5 étoiles qu'ils ont, hein? Je sais pas ce que vous en avez pensé, pour ceux qui ont vu, on le verra du côté montpelliérain, mais du côté Racing, ce match de ce week-end. Mais même si voilà, notre effectif est diminué, le Racing m'a impressionné, à une équipe solide, à différents postes. Je pense que Finn Russell, au poste de 10, risque de leur apporter beaucoup dans les moments importants de la saison. On a vu quand même un Imhoff hier particulièrement fort. Oui, oui. Ouais, j'allais enchaîner sur Imhoff, effectivement, qui est un joueur maintenant aguerri de notre championnat, est capable d'être très important dans les phases finales. Donc que ce soit en H-Cup, enfin Champions Cup, lapsus, ou sur le championnat, c'est en tout cas a priori à suivre, mais une des équipes les plus armées pour jouer sur deux tableaux, si c'est encore possible dans notre rugby moderne. Mais je pense, voilà, à un moment, en tout cas peut-être vers la fin de la saison, ils devront faire un choix de compétition. On l'a vu que l'année dernière, ils avaient été usés et ils avaient perdu la finale de la Champions Cup et en demi-finale en championnat. Donc cette année, assurément, il leur faut un titre. Ok, très bien. On va passer aux autres sports. C'est les derniers sports. Les derniers sports à venir, il y a 8 brèves ce soir, 8 petites informations. Et on va commencer avec une grosse compétition, malgré que le sport soit moins médiatisé, qui est la Route du Rhum, et qui a commencé ce week-end. Qui a commencé ce week-end, donc la brève majeure du jour. Le départ, donc la prestigieuse course de voile, la Route du Rhum 2018, a été donnée dimanche en Bretagne à Saint-Malo aux alentours de 14h30. Cap désormais vers la ligne d'arrivée à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, avec une traversée périlleuse de l'océan Atlantique au cours de la semaine. Au classement, classement pris à 16h ce lundi, François Gabart, massif, est en tête dans la catégorie ultime, devant Armel Lecléache et Francis Joyon, alors qu'Alex Thompson mène la danse dans la catégorie des IMOCA. Il y a 6 catégories de bateaux pour information. L'Héroleté et Montferrier, hein, je me permets de le dire, c'est mon village. Ah, c'est bon, de Pavant, local, hein. Un vrai local. Et pour le moment, 8e de la catégorie classe 40, donc une 3e catégorie favori sur son bateau Made in Midi, sympathique, dans un classement donc dominé pour le moment par Johan Richomme, qui a été aussi, comme je crois Quito de Pavan, vainqueur de la solitaire du Figaro. Dès les premières heures de course et au vu des conditions climatiques, ont été constatées des avaries pour des skippers de premier plan, notamment pour les bateaux de Sébastien Josse, Thomas Coville et Jérémy Bayou. Et à noter qu'une tempête est attendue pour les skippers dans la nuit de lundi à mardi. Donc courage à ces sportifs d'exception dans leur périple de la semaine. Ça devrait se terminer dans la fin de semaine. Une belle petite performance en MotoGP. Belle petite performance avec le futur pilote de l'écurie KTM, le français Johan Zarco, qui réalise un grand week-end en Malaisie. Parti en pole position suite notamment à la pénalité infligée à Marquez, il est parvenu à conserver sur la piste une place sur le podium sur le circuit de Sepang. La victoire est revenue malgré la pénalité inaugurale au champion du monde espagnol Marc Marquez, qui a été le vainqueur d'un mano à mano de haute volée face au docteur Valentino Rossi sur sa Yamaha, parti à terre dans le final au 16e tour sur 20. Le français Zarco, alors deuxième derrière Marquez, termine finalement troisième après un dépassement d'un autre pilote espagnol, Alex Rins, sur Suzuki, qui s'est mise donc sur le podium entre Marquez et Zarco. À noter que le suspense est également terminé pour la seconde place, sachant qu'Andrea Dovizioso, avec la chute de son compatriote et en terminant à la sixième place, est désormais assuré d'être le dauphin de Marquez. Côté constructeur, Honda accroît son avance sur Yamaha et Ducati à un GP de la fin de la saison, le GP de Valence, en Espagne, le 18 novembre prochain. On a parlé il y a quelques semaines de la Ryder Cup, il y a encore des actualités golf. En effet, avec un changement de première place mondiale avec Justin Rose qui remporte au bout du suspense le Turkish Airlines Open, l'anglais a battu au playoff le chinois Oh Ha-Tong Lee. Il conserve ainsi son titre et reprend la place de numéro 1 mondial à Brooks Koepka. Lors de cet Open turc, à noter la performance française, le français Alexander Lévy, dont on avait parlé dans notre interview, s'est également distingué en terminant une prometteuse 10e place. C'est le 12e titre sur le tour européen pour Justin Rose. Et puis on pourra saluer tout à l'heure, effectivement, dans le sport montpellier, un amateur de golf avec notre Guillaume Savary. Un sport un peu plus rare dont tu parles, c'est de la gym, gymnastique. De la gym avec les mondiaux de Doha. Et pourquoi on en parle, c'est qu'un record d'importance a été battu par Simone Biles, l'américaine. À 21 ans et après une année sabbatique, Biles a été intraitable cette semaine. Lors de son ultime finale samedi, elle allait chercher la médaille d'or au sol, sa quatrième sur cet exercice. Avec ce nouveau succès, Simone Biles compte donc 4 titres sur la semaine, auxquels s'ajoute une médaille d'argent au bar asymétrique et une de bronze à la poutre. Elle mitera pas la soviétique Larissa Latinina, 5 or et 1 argent en 1958, mais elle égale par contre le record de 20 médailles mondiales que détenait seule jusque-là la russe Svetlana Korkina. Elle a seulement 21 ans, et j'ai bien dit 20 médailles, donc c'est assez incroyable. Merci. Et elle a aussi effacé des tablettes, le record de titres mondiaux qu'elle a un temps partagé avec le biélorusse Vitaly Sherbo. Lui en avait 12, elle en a aujourd'hui 14. Côté français, on rentre malheureusement bredouille de ces mondiaux qataris avec quelques regrets, malgré les performances correctes de la championne d'Europe Mélanie De Jesus Dos Santos, 6e au sol, 6e du concours général et 5e par équipe. La France n'a plus réalisé de médailles aux mondiaux de gymnastique depuis le bronze de Cyril Thomason en 2014 en Chine au cheval d'Arçon, son agrès de prédilection. On a parlé d'une américaine et il y avait un événement important aux États-Unis, c'était le marathon de New York. Le marathon de New York avec une victoire éthiopienne chez les hommes et une victoire kényane chez les femmes. Sans surprise, j'ai envie de dire. Éthiopien ou kényan, tiens. Eh bien, un éthiopien chez les hommes. Donc, Lilela Desiza est sorti vainqueur en 2h05min59s d'un mano à mano superbe dans les allées de Central Park dimanche lors du marathon de New York. L'éthiopien de 28 ans a d'abord déposé le kényan Geoffrey Kamuohor, tenant du titre à 2 km de l'arrivée, et a ensuite résisté à un autre éthiopien, Shura Kitata. Il est déjà double vainqueur du marathon de Boston 2013-2015 et donc il s'est imposé cette fois-ci à New York après avoir réalisé 3 podiums. Chez les femmes, je l'ai dit, la Kenyane Marie Ketani a remporté sa 4e victoire, déjà 4 pour elle sur le marathon de New York dimanche. Elle s'est imposée en 2h22min48s et la Kenyane se rapproche donc du record de 9 victoires de la Norvégienne Grete Waitz. Un sport où il y a aussi de la course, du triathlon. Du triathlon avec un Français qui surperforme en ce moment, c'est Vincent Louis, qui comme la semaine passée à Malte a fait parler son finish pour s'imposer sur la Super League de triathlon de Majorque ce week-end. Il s'impose donc dans cette compétition en finissant deuxième du triple mix samedi et en s'imposant donc lors du sprint enduro de dimanche. Déjà vainqueur à Jersey et à Malte, donc invaincu dans cette nouvelle compétition, il a complété sa collection avec Majorque et domine le classement général de la Super League de triathlon. L'autre Français, Léo Bergère, est actuellement 6e. Surtout donc le Français confirme qu'il est actuellement le meilleur triathlète du monde puisque ses 3 récents succès font écho à sa victoire lors de la grande finale de la Coupe du Monde à Gold Coast en septembre dernier. Avant-dernier sport, c'est du snowboard avec le retour des sports d'hiver. Du snowboard avec donc 2 Japonais qui se sont imposés lors du Big Air de Modène en Italie. lors de la première étape de Coupe du Monde de snowboard freestyle Big Air. Donc c'est le japonais Takeru Otsuka et la japonaise Reira Iwabushi qui se sont imposés, donc une compétition qui a l'air d'être véritablement dominée par cette nation. En effet, chez les hommes, donc il s'impose et le quatrième est également un japonais, et chez les femmes, c'est un doublé japonais. Ok, dernier sport qui va faire plaisir à notre Guillaume Bialès qu'on recevra tout à l'heure, la boxe. La boxe avec tout d'abord une nouvelle du jour, c'est l'américain Floyd Mayweather qui a annoncé aujourd'hui qu'il combattrait dans les règles du MMA, surprenant, le 31 décembre prochain contre le japonais Tenshin Nazukawa, 20 ans et spécialiste de kickboxing à Saitama au Japon. On avait parlé un temps donc, d'un combat Mayweather-Nurmagomedov, celui qui a battu donc, en MMA notre cher Conor McGregor, et l'organisation a pour le moment été démentie par Dana White, patron de l'UFC en octobre. Donc premier combat entre, entre du MMA et Floyd Mayweather, en tout cas c'est surprenant dans, quand même, dans de la MMA, donc petite surprise. Petite prise de risque de la part de Floyd Mayweather. Et oui, petite prise de risque. Un petit challenge, là. C'est un petit challenge, après paraît-il que c'est un spécialiste du kickboxing, donc il faudrait voir comment il se comporterait au sol et il n'aurait pas encore un adversaire à sa juste mesure. C'est pour tout ce qui est prise que je demande d'avoir en fait. Et dernière news box très rapidement, c'est côté français, la championne olympique Estelle Mosley, compagne de Tony Yoka, qui a remporté son deuxième combat professionnel en l'emportant face à la polonaise Karina Kopinska au point dans la catégorie des légers samedi lors du gala d'Alençon. Très bien, on passe sans plus tarder aux résultats de la semaine. Non, Montpellier. Sport and Chill, le sport montpellierain. C'est les. Regarde, j'entends rien. Sport and Chill, la petite émotion de la semaine. Les résultats. C'est l'émotion un peu de la centième, c'est les sports montpellierains en effet, c'est pas les résultats de la semaine. Je suis désolé pour cette petite erreur. C'est la victoire 3-0 hier, ça. C'est ça, c'est la victoire 3-0 hier du match SC, on en parlera un petit peu après, mais on va commencer avec les infos en bref avant de parler des gros clubs, entre guillemets. Et le bilan de week-end, donc avec une défaite, la seule défaite, c'est le MWP, donc ce qui est le water polo. C'était leur troisième match de la saison et défaite 10-7 contre Nice. Défaite quasiment logique, tant Nice reste un outsider de ce championnat de water polo. Après, il n'y a pas de match nul, il n'y a que des victoires pour le reste. C'est un week-end tranché, quoi. En effet, sans compter, évidemment, on peut parler de la défaite du MHA, on en parlera tout après. C'est les victoires donc, des Vipers, 4-2 contre Cergy Pontoise. Montpellier tient, mais reste dans les dernières places, malheureusement, de ce classement. En Eurocup de basket féminin, victoire des Gazelles du BLMA et victoire Fleuve. Les Gazelles 80... de Géopier, hein. Sachez-le. 94-49 contre les Allemandes de Keltern. Rappelons que l'Eurocup est la petite coupe d'Europe. Et le BLMA est premier de son groupe, comme en championnat d'ailleurs. Victoire du MAVUC, donc, ou MCVUC, 3-7-0, donc c'est le volet, hein, contre Tourcoing. Et donc le club pointe à la 3ème place de son championnat. Et enfin, pour clôturer ce beau week-end, victoire du MHSC féminin, 2-0 contre Paris FC, ce qui soulage un petit peu les femmes de Jean-Louis XVI. Au classement de D1 féminine, on va parler du MHB et des performances. Compliqué puisque mitigé puisqu'en Champions League ça n'avance pas. Et oui, ça n'avance pas, toujours pas de victoire pour les hommes de Patrice Caneyer, match nul à Christianstad, c'est pas facile. 29-29 c'était samedi, c'est la 6ème journée, je sais plus, 6ème de Ligue des Champions. C'était le match à gagner celui-là. C'était le match à gagner évidemment, face à un adversaire largement à la portée des Héroletais. Ouais. Montpellier qui comptait 5 buts d'avance à la mi-temps, 17-12, même encore 3 points à 10 minutes de la fin. Voilà, 10 minutes de la fin. Et qui se fait rejoindre sur la fin, qui sauve le match nul en toute fin de match. Les Montpellierains qui sont, maintenant on peut le dire, dans une situation critique pour la qualification, même s'il y a 6 qualifiés sur 8. Il faudra, durant la phase retour, aller gagner 3-4 matchs face à des gros minimum. Dès demain à Rhein-Neckar. Voilà, dès demain à Rhein-Neckar. C'est à l'extérieur ? C'est à l'extérieur, oui. On l'a fait déjà par le passé, donc c'est pas impossible. Ouais, mais la dynamique en Europe, en tout cas, n'est pas là. Alors, est-ce que pour vous, ce serait un échec cuisant, voire même honteux pour un champion d'Europe en titre, de ne pas sortir des poules ? Bon, alors après, enfin, hier on en parlait un peu indirectement avec Florian, c'est que ça serait toujours la question, est-ce que Montpellier, est-ce qu'on serait prêt à accepter le fait que Montpellier envisage, non pas volontairement, envisage peut-être inconsciemment de faire l'impasse sur la Coupe d'Europe et de troquer en échange de Coupe nationale ou un championnat. Moi personnellement, je serais plutôt disposé à ne pas être énervé, frustré de voir Montpellier éliminé à ce stade uniquement s'il était champion de France à la fin. Les coupes, en réalité, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est mineur, quoi. C'est mineur dans mon esprit et je trouverais quelque part un peu dilettant, pas très professionnel de voir Montpellier. Quoi. Ouais, de voir Montpellier sortir de, enfin être sorti de cette phase de poule où quand même il y a Meshkov Brest et Kristianstad, où on peut légitimement penser qu'on est meilleur qu'eux. Surtout quand tu l'as gagné, quoi. Quand tu l'as gagné, après évidemment, veux dire, on n'est pas forcément supérieur à Rhein-Neckar, Veszprém, Kiss, etc. Simplement, on a un statut à assumer. Moi personnellement, le top 6 est largement envisageable. Le calendrier qui se présente est loin d'être évident. Il faudra d'abord, je pense, si la qualification passera, par une bonne performance lors des deux matchs à venir, donc les deux matchs face à Rhein-Neckar. Moi personnellement, ça me frustrerait un peu de les voir à ce stade-là éliminés. D'autant plus qu'il n'est absolument pas acquis de voir Montpellier champion de France cette année. Voilà, on a déjà, pour le moment, déjà Nantes est en tête et il faut le signaler. Je pense également la même chose. Moi, ça serait assez embêtant de voir Montpellier être éliminé, surtout les deux clubs qu'a cité Yacine qui sont quand même. J'ai pas dire largement inférieur, mais ils sont quand même inférieurs par rapport à Montpellier. Montpellier. Malheureusement, on prend un groupe assez compliqué, à savoir avec beaucoup d'anciens champions d'Europe, mais peut rivaliser avec Veszprém qui cette année est aussi dans des conditions un peu singulières. Alors moi, je suis un peu déçu de Montpellier. Je pense qu'ils peuvent faire mieux. Pour contrebalancer, l'autre groupe, celui qu'on croisera si Montpellier se qualifie, donc Montpellier a priori s'il se qualifie, je pense qu'ils seront 6e. Ah oui, là. Et prendront le deuxième du groupe B. Et donc le deuxième du groupe B, c'est Flensburg qui pue le Flensburg qu'on connaît. C'est Szeged qui reste un club pas non plus majeur de la Champions League, voire Nantes, oui, qu'on a joué plusieurs fois. Donc rien n'est fait encore. On passe, je suis désolé de couper court, on passe au MHR, puisque eux aussi ils ont fait un résultat, mais pas des meilleurs. Hein. Alors oui, évidemment, c'était la 9e journée de top 14 pour les Cistes, qui recevaient le Racing avec son armada de recrues, et notamment Finn Russell et Simon Zebo qui étaient alignés d'entrée. Les Montpelliérains, cueillis à froid dès le début, avaient deux essais de Juan Imhoff, transformés ensuite par Russell, donc les Montpelliérains menaient très rapidement 14-0. Après Montpellier qui a essayé de revenir avec un essai à l'angle d'Ivan Rayak. Le Racing a rajouté un troisième essai au bout d'un mol parfaitement conclu par le Racing 92. Au final, victoire logique du Racing 27-13, avec, j'insiste sur cela, même s'il ne faut pas minimiser la performance du Racing, une équipe de Montpellier totalement remaniée. Pour preuve, la troisième ligne d'habituel, Picamol, Ouedraogo et Kylian Galtier n'étaient pas là pour cause de trêve internationale et ils seront impliqués dans les joutes de l'équipe de France dans les prochaines semaines. Ou de blessures également. Donc une équipe plutôt expérimentale, mais deuxième défaite à domicile, deuxième défaite en top 14 d'affilée pour les Cistes avec la défaite au Stade Français la semaine dernière. Donc ma question que je l'ai posée à vous tous, même pas. Je crois qu'on pourra pas parce qu'en effet, non, on n'aura pas le temps. Malheureusement, on a trop parlé de handball plus que d'habitude. Yacine, ouais, puni Yacine, je suis désolé. Juste pour toi, c'est bien justement, on a parlé de handball pour changer. Je confirme les deux défaites à domicile. Les deux défaites à domicile ainsi que les deux défaites consécutives. Voilà, parce qu'il y a eu Castres qui était à domicile aussi. Tu auras le temps de reparler puisqu'on va parler du MHSC maintenant. Et pour ce faire, on va recevoir notre premier appel téléphonique qui est peut-être le premier, la première personne qui a fait le quiz, si je me trompe pas. C'est vrai que c'était Monsieur Quiz, mon gars. Et qui est Guillaume Savary. Ouais, en effet. Bonsoir, Guillaume. Salut. Salut à tous. Salut les gars. Un peu d'émotion de revenir dans cette émission. Ouais, ça fait plaisir de revenir à l'antenne là, pour la 100e, c'est super. Puis avec les vieux de la vieille, Tim et Romain, nickel les gars. Alors, on essaie de continuer un peu dans la tradition. Tu as parlé un petit peu avec nous, même si tu n'es plus sur... Enfin, je crois que tu n'es plus sur Montpellier, si je ne me trompe pas. Il y a la conquête de la capitale, lui aussi. Hein. Ah, oui, aussi, c'est vrai. Ça va, mon Rastignac. C'est the place to be là. Et, mais je sais que tu es un, que tu aimes le foot et notamment la première ligue, si Romain m'a bien dit. Et on va parler du MHSC puisque bah tout le monde le sait, le MHSC fait un gros début de saison cette année et s'est imposé, n'est-ce pas Guillaume, hier 3-0 contre l'Olympique de Marseille. Peut-être Guillaume, tu pourras réagir un petit peu après. Oui, il y a deux Guillaume, là, on est un peu perdu. Ouais, c'est vrai. Oui, une belle victoire du Montpellier Hérault hier 3-0. Une première mi-temps assez insipide avec un bloc marseillais qui était très bien en place. Les Montpellierains n'arrivaient pas à franchir la ligne du milieu de terrain. Une occasion de chaque côté, allez, deux occasions, une tête de Germain qui effleure le poteau, une reprise de Payet seul au 6 mètres qui passe au-dessus des cages de Benjamin Lecomte. Et côté Montpellierain, une frappe de Florian Mollet. Repoussé par Mandanda et c'était à peu près tout en première période. Et alors la deuxième période, Montpellier s'est lâché, a joué son jeu face à un Marseille largement dépassé dès que la ligne Gustavo Strootman était franchie. Il a joué Strootman ? Il paraît. C'est une question. Il paraît. Il paraît. On le dit. Il est aligné depuis le début, donc on okay. Et enfin, s'il y avait que lui à moquer, ce serait facile. Il y en a pas mal de Marseillais qui sont passés à côté de leur match. À l'image du deuxième but. À l'image du deuxième but. Et voilà, une victoire éclatante du Montpellier Hérault qui enfin a joué un gros. C'était le premier test, à vrai dire, de la saison. Il est passé avec succès. Et voyons plus haut peut-être. Non, pas plus haut, ça va être dur, mais rêvons là. Rêvons plus grand, comme dirait les autres. Justement, du point de vue de la capitale un peu de Paris, qui est évidemment le leader, hein, du coup Montpellier et le dauphin, qu'est-ce qu'on pense du MHSC ? Qu'est-ce que tu penses, toi, du MHSC de ce début de saison en trombe ? Ouais, alors pour le coup, ça sera pas un point de vue de Parisien, ça sera plus un point de vue de Canet et de René. Ah, merci. Voilà. En effet. Voilà, et du coup, du point de vue de Montpellier, enfin, je suis quand Rennes, voilà, c'est plus une équipe normalement de ce niveau-là. Et j'ai entendu la semaine dernière beaucoup de choses, un peu trop d'emballement sur Montpellier, justement. Pas de nous, en tout cas. Oh là, pas de toi, ça je le sais. Hein. Ah, merci. Non, mais pour moi, non, il joue certes bien, mais enfin, dire ça avec Der Zakarian aux manettes, ça me fait un peu mal. C'est sûr. Mais, non, mais voilà, pour l'instant, c'est comme Nantes à peu près tous les deux ans, c'est-à-dire qu'il joue bien au début de saison, etc. On arrive à la 12e journée, bon, bah voilà, va y avoir un coup de mou après. Pour moi, ça peut pas tenir la cadence, impossible. Et c'est comme... Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Et puis il y a des équipes comme Rennes, Saint-Etienne, Marseille, Lyon, etc., qui vont se réveiller. Rennes, l'an dernier, ouais, c'était le même niveau et ça termine 5e. Hein. Ça sera très bien, 5e. Oui. Ouais, voilà, bon, très bien. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est pour dire que Montpellier, pour moi, va redescendre. Alors certes, voilà, ça emballe un peu toute la Mausson et tout le Montpellier, mais bon, enfin, tout le Montpellier. Non, mais je pense qu'autour de la table, on est à peu près tous d'accord avec toi. Hein. Est-ce que le point faible de Montpellier sera peut-être pas finalement son manque de banc et que si des blessures qui peut arriver assez vite, bah, Montpellier est totalement à découvert, Yacine? Bah, il est clair que là, l'effectif, pour l'instant, bon, Michel Derzakarian, depuis le début et surtout depuis le recrutement de Laborde en fin de mercato, tient son équipe type, c'est manifeste, etc. Ça, tout le monde le sait. En effet, le banc est très étriqué parce que ce sont souvent les 3-4 qui rentrent souvent. Il suffirait, comme tu l'as dit, il suffirait d'un blessé pour que, je pense, les performances dedans au niveau du trio d'attaque ne soient plus les mêmes. Après, pour l'instant, ce qui est rassurant pour Montpellier au tiers du championnat, c'est que l'équipe qui est à peu près à la même portée que nous, à savoir Lille, n'a pas un effectif également aussi profond que le nôtre. En plus, Lille ne dépend entièrement de ses deux attaquants, tandis que Montpellier, quand même, est plus collectif, a plus d'assises défensives au milieu, ouais, etc. Plus solide défensivement. En ayant regardé les matchs de Lille, c'est quand même serein collectivement, je trouve. Ça va très vite vers l'avant, etc. J'ai un peu plus de réserve sur le jeune Montpellier, à vrai dire. Oui, mais moi je trouve aussi que, comme je disais, un mec comme Mollet se blesse ou dehors se blesse, et évidemment l'articulation offensive n'est pas la même. Mais je trouve que, par exemple, le recrutement de Letalec au milieu fait énormément de bien, que Kilton est encore là malgré ses 41 balais. Le compte, mais il regarde un Ligue 1 aussi. Que le compte, il faut le dire, en termes de performance, et en tout cas largement dans le top 3 3 des meilleurs goals du championnat. Oh, pour moi, c'est le meilleur. Hein, je vois pas un au-dessus. Après, quand on fait voilà, un état rapidement des lieux de ceux qui sont actuellement en tête du classement, Lyon finira dans le top 5. Deuxième, bonhomme. Lille, voilà, Lille aussi bien partie, tout comme Montpellier. Moi, personnellement, je me contenterai largement d'une place en Europa League. Après, bon, si la Ligue des Champions est à la portée, pourquoi pas. D'autant plus que la troisième place est directement qualificative. Bon, pour l'instant, Montpellier a le niveau d'Europa League et j'espère que ça le restera d'ici la fin, quoi. En tout cas, prenons ça tranquillement et qu'on essaye de continuer à se régaler, parce que je me rappelle que lors des premières émissions de l'année, on était très sceptiques. Oula. Et à raison. Et maintenant, en tout cas, on monte des choses vers l'avant, et j'ai vu que Montpellier est actuellement première défense avec le PSG, mais également passé de la... Déjà, était sixième attaque et maintenant est quatrième attaque. A été mené qu'une vingtaine de minutes de jeu depuis le début de la saison. Donc, c'est logique de les saluer et de se mettre à fond derrière cette équipe. Et on leur souhaite le meilleur, sans trop d'emballement bien sûr non plus, trop rapidement. Ouais, profitons. Première partie de saison, mais profitons. Voilà. Du coup, le Montpellier bientôt va se déplacer au Parc dans 2 semaines si je me trompe pas. Plus. Et dans 3 semaines recevra Rennes justement. Un petit pronostic pour Montpellier-Rennes à la Mosson. Qui est un match masculin, à rappeler. Oui. Là, je vois, je sais pas, un 2-2, bon, allez. Un 2-2. Avec allez. Ben Arfa Bourigeau. Ah, c'est... tant qu'il y a un Lensois dedans, je suis totalement d'accord. Rennes, avec c'est toi. Toujours une équipe qui nous embête. Hein. C'est vrai. Bon, très bien. Est-ce que tu as un petit mot à dire sur l'émission ou un petit truc à dire une avant quenelle, de. Une quenelle envoyée, une sucrerie, une mignardise. Voilà, je sais pas. Exactement, à peu près. Oh, bah non, bah écoutez, vous parlez pas assez de foot anglais. À part ça, c'est tout ce que je pourrais dire. À mon grand âme, hein, je sais, Guillaume. Bah ouais, j'imagine. Tu parlerais de Liverpool avec passion, toi, je le sais, hein. Et t'as le bonjour de Mont Lacaze, hein, tu le sais. Hein. Ouais. Et toi de Milner, ça va? Ouais, mais bon, il te fait plus mal celui de Lacazette. Ouais, bon. Peut-être, ouais, non, c'est sûr. Bon, en tout cas, je suis content que cette émission continue. Et du coup, les gars, continuez comme ça. En plus, vous parlez de golf maintenant. Donc, on essaye, t'as vu ça? Ouais, c'est parfait. Même si toi, tu prends pas la parole sur le golf, hein, je l'ai noté. Ouais, mais écoute, il y avait beaucoup d'invités, honnêtement, j'ai été asphyxié. Bon bah merci en tout cas et puis la prochaine quand si tu à la 200e. Ouais, à la 200e si tu reviens un jour sur Montpellier et que les anciennes veulent revenir, d'ailleurs c'est un message pour toi mais aussi pour tous les autres, la porte est ouverte à Sport & Chill comme d'habitude, hein. On attendra ton quiz. En effet. Ça marche, c'était super. Alors, mais écoutez, merci à vous et puis bah continuez comme ça encore une fois. Bah, merci pour les. Merci. Merci. Salut les gars. Salut. Salut, ciao. Quant à nous, on passe à notre première pause musicale et c'était aussi une pause musicale de la première émission de Sport & Chill. C'est Pass the Pain avec le titre Only Real. De retour sur Sport and Chill, c'était Pass the Pain avec le titre Only Real. Et on passe tout de suite à notre jingle interview. Sport and Chill, l'interview. L'interview chill. Et ce soir, pour cette centième de Sport and Chill, nous allons parler d'un sujet qu'on parle très peu. Moi, j'en ai parlé l'année dernière, je crois, pendant une actualité, puisque c'était un événement à Montpellier sur l'e-sport. Et donc ce soir, ouais, on va parler d'e-sport, Electronic Sport. Et on reçoit Boris Bergerot, qui est un dirigeant de Stackern. Je le prononce bien, c'est ça. Et du coup, j'ai regardé un peu le site, c'est un peu polyvalent, donc qu'est-ce que c'est Stackern? Est-ce que c'est une start-up e-sport? Est-ce que c'est une société de développement, un crowdfunding, une équipe d'e-sport? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors bonsoir, effectivement Stackern est une société donc, qui est basée à Montpellier, avec une filiale à Manchester, dont l'objet est de développer l'économie de l'e-sport. Donc l'e-sport, c'est la pratique compétitive du jeu vidéo, donc on appelle ça aussi le sport électronique. Et l'objet de notre société est d'accompagner des clubs de sport, des marques, des investisseurs qui voudraient justement aller dans ce secteur-là, qui est un secteur qui a explosé depuis quelques années. Peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler du PSG e-sport qui s'est créé, qui a fait grand bruit et qui a un petit peu démocratisé, on va dire, en France, le terme e-sport. Et donc il s'agit de la pratique compétitive de jeux vidéo, qui sont d'ailleurs pas forcément des jeux de sport, je tiens à le préciser. C'est à la base essentiellement des jeux de stratégie, ou des jeux de tir ou autre, mais c'est pas forcément FIFA, on va dire, qui est le jeu e-sport par excellence. Et donc notre société accompagne des structures pour leur expliquer les enjeux, le potentiel, on va dire, de ce nouveau secteur, et surtout les objectifs qu'ils peuvent atteindre en utilisant l'e-sport comme levier de communication, comme levier de fidélisation auprès de leur fanbase, développement de leur stratégie sur les réseaux sociaux, etc. Ouais. D'accord. Donc voilà, en gros, l'activité principale, on va dire, tourne autour de cet accompagnement de marques et de clubs. D'accord. Du coup, vous avez un peu présenté l'e-sport. Parfait pour moi. Est-ce que tous les jeux, du coup, vous avez parlé de jeux de stratégie, des jeux de sport à FIFA, est-ce que tous les jeux sont e-sport? Alors non, tous les jeux ne sont pas e-sport. Certains jeux sont devenus e-sport, mais ça vient très souvent de la part des communautés, en fait, hein, finalement, des gamers qui mettent en place des LAN et qui commencent à s'affronter avec des récompenses qu'on appelle des cash prizes, etc., au fil du temps. Donc un jeu peut devenir e-sport alors qu'il n'était pas nécessairement e-sport au début. Il y a beaucoup d'éditeurs maintenant qui prévoient des jeux avec une vraie orientation e-sport. Il y a le dernier Call of Duty qui est sorti avec le mode Battle Royale, par exemple, parce qu'on surfe un peu sur la mode Fortnite, donc sur l'orientation, on va dire, où on est 100 joueurs au sein d'une map et on doit s'affronter pour être le dernier survivant, en schématisant un petit peu le sujet. Donc un jeu n'est pas forcément e-sport. En plus, Montpellier est très bien pourvu en éditeur de jeux vidéo. Bah oui, avec Ubisoft. Oui, non, mais je veux dire, même en éditeur en studio indépendant ou autre, et on constate que il y a plein de petits éditeurs qui ont leurs propres jeux qui sont pas forcément dans une optique, une détermination purement e-sportive. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de compétition, on peut simplement jouer chez soi, sur sa PS, sur son ordi, et il n'y a pas forcément des compétitions en France ou à l'international sur le sujet. Donc voilà, il y a le jeu vidéo qui existe, hein, qui a un marché de 110 milliards aujourd'hui au niveau international. Il y a l'e-sport à côté, qui est la pratique compétitive de jeux vidéo avec des récompenses et des joueurs professionnels, semi-professionnels ou amateurs. Donc ça, c'est un marché qu'on va appeler une niche, finalement, au sein du jeu vidéo, puisque on va atteindre à peu près 900 millions, 1 milliard à la fin de l'année de chiffre d'affaires au niveau international. Probablement 3 ou 4 milliards dans les quelques années qui arrivent. Mais finalement, au regard de l'industrie du jeu vidéo, l'e-sport est une petite part, en quelque sorte, de cette économie. Et l'e-sport, on parle en France, peut-être même dans le monde entier. Quand a eu lieu cet essor, en fait, de l'e-sport? Peut-être, je suppose que c'est dans les pays, peut-être aux États-Unis qu'elle a eu lieu en premier. En France, on parle plutôt dans les années 2000. Alors en fait, historiquement, par rapport à l'histoire du jeu vidéo, le premier jeu, on va dire, à caractère un peu compétitif, c'est Space Invaders, qui remonte déjà quelques dizaines d'années. Après, c'est StarCraft, autour des années 96, de mémoire, 98, qui a vraiment lancé, notamment sur le marché asiatique et sud-coréen, les compétitions d'e-sport. Après, ça s'est effectivement dans les années 2000 très développé sur le marché nord-américain, avec donc les États-Unis qui représentent quand même une grande part du chiffre d'affaires mondial de l'e-sport aujourd'hui. Et ça arrivait petit à petit en France. Alors depuis, il y a des structures en France qui existent depuis les années 2000, hein, qui font des compétitions, qui font des LAN. Maintenant, c'est plus médiatisé. On abordera peut-être le sujet tout à l'heure sur les enjeux de l'e-sport, l'économie de l'e-sport. Effectivement, la médiatisation est un excellent levier, notamment pour démocratiser finalement ce qu'est l'e-sport. On en a vu il y a quelques années sur la chaîne L'Équipe avec une compétition autour de FIFA. Maintenant, on a Laurent Gilguin qui est retransmis sur Bein, on a eu le canal e-sport club, etc. Les médias commencent à s'y mettre. ESPN aux États-Unis a sa chaîne dédiée d'e-sport, etc. Donc finalement, le média web et la démocratisation de l'Internet, l'accès au Wi-Fi, les jeux... qu'on peut pratiquer en multijoueur et de façon connectée online avec des partenaires aux quatre coins du monde, ont contribué finalement à l'essor de l'e-sport, parce que les nouvelles technos, parce que les nouvelles consoles, parce que les puissances des ordinateurs également, puisque à la base c'est quand même essentiellement sur PC, ont permis finalement de démocratiser ce marché-là. Et donc la France a suivi le mouvement avec, on va dire, un peu de retard par rapport à des pays qui étaient historiquement très ancrés dans l'e-sport comme la Corée du Sud. Ils sont des gros développeurs, avec Konami notamment. Alors ils sont... Ils développent PES, il me semble. Ouais, Konami, c'est coréen. C'est Japon. Ils sont au Japon. Ouais. Alors le Japon, par contre, il y a un marché qui n'est pas du tout ancré dans l'e-sport. C'est un marché où ils pratiquent énormément le jeu vidéo, mais il y a très très peu de compétitions et d'événements e-sport. Il n'y a pas énormément de... C'est paradoxal d'équipes. En soi, parce que c'est très paradoxal, et c'est justement un pays qui est, à mon sens, émergent et qui va arriver dans les 4-5 ans à venir sur la scène internationale, parce qu'ils ont compris que entre la Corée du Sud, la Chine qui met le paquet avec Alibaba notamment et avec Tencent donc l'un des plus gros éditeurs qui a racheté notamment Riot, etc. Il y a un énorme marché au Japon et c'est en train de se développer. Et, enfin, dans ma société, vu que nous on a un positionnement international, on est en relation avec des structures, notamment au Japon, qui veulent faire venir des investisseurs, des startups, des équipes sur le marché japonais dans les prochains mois, les prochaines années. D'accord. On va passer à un premier thème qui est la légitimité de l'e-sport en tant que sport, entre guillemets, en émission de sport. Et du coup, ça fait, on va le dire, un peu jaser dans le domaine du sport que l'e-sport. S'intègre comme ça. Jason. Donc on va commencer sur ces dernières années. On a vu le rapprochement entre le monde de l'e-sport et le CIO, donc le Comité International Olympique. Alors qu'en 2017 on était encore bien prudent, c'est cette année en 2018 où le CIO, l'organe suprême du sport mondial, prend des mesures concrètes pour l'e-sport. Donc des démonstrations lors des Jeux asiatiques cet été, la création d'un groupe de travail commandé par le patron Thomas Barr, et une ouverture de Tony Estanguet pour les Jeux de 2024 à Paris. Qu'est-ce que vous pensez de cela ? Est-ce que vous pensez pas que l'e-sport va peut-être desservir les Jeux Olympiques, ou peut-être au contraire les Jeux Olympiques vont desservir l'e-sport ? Est-ce que c'est peut-être pas mieux que l'e-sport se développe elle-même tant la manne financière devient importante ? Le sujet est complexe. Il va être difficile de trancher. Par contre, quelques points. Sur le rapprochement, alors déjà, on parle de sport électronique, donc c'est vrai qu'il y a une dimension sport et que ça interpelle pas mal de gens, parce qu'on a le réflexe du bon geek avec ses lunettes, boutonneux, bedonnant, derrière son ordi, en train de boire du coca et manger des pizzas. Donc ça, aujourd'hui, c'est ce que beaucoup de marques, beaucoup de personnes dans le grand public se disent, voilà, c'est quoi ton boulot ? Moi, je joue, je suis joueur professionnel sur FIFA, sur League of Legends, sur Overwatch. Ah, parce que c'est un métier. Bon, oui, effectivement, aujourd'hui, les joueurs professionnels s'entraînent au même titre que des joueurs de foot, de rugby, de hand, avec des coachs, avec des analystes, avec des diététiciens, avec des préparateurs physiques, mentaux, dans des salles d'entraînement qu'on va appeler des gaming house, etc. Donc, les conditions de préparation, d'entraînement, de formation des joueurs d'e-sport sont assez proches, finalement, de ce qui se passe dans le sport traditionnel. Après, comparer est-ce que l'e-sport est un sport, je ne vais pas rentrer dans le débat. Il y a des pratiques motrices et cérébrales qui montrent, qui prouvent que finalement, au niveau de l'e-sport, il y a des choses très très proches de ce qui se passe dans le sport. Pourquoi jouer aux fléchettes, tirer à la carabine, au curling, ça serait un sport. La pétanque, le curling, le bridge. Voilà, le bridge. Sont des sports. Et pourquoi faire du Street Fighter ou du sport en réalité virtuelle. C'est quand même dur de comparer la pétanque à l'e-sport. Enfin, pétanque, c'est moi qui m'y ai lancé. On peut dire que c'était, que c'était un sport aussi, mais surtout peut-être le bridge et les échecs qui ont été. Qui ont été des sports olympiques. Enfin, les échecs, parce que c'est pour le coup un sport typiquement cérébral, où c'est la stratégie qui prime. Et en fait, d'accord. Dans la dynamique de sport, on pense essentiellement moteur. On pense dépenses. Les échecs, d'accord. Il y a des effets physiologiques sur l'activité mentale. Et c'est le cas pour l'e-sport, certainement. On parlait que justement les échecs, pardon, excusez-moi. Pendant des parties d'échecs, on perdait quasiment des nombres, enfin, des 500 calories peut-être pendant des parties. Alors que c'est de l'échec, peut-être dans notre stéréotype, on voit que. Enfin, je ne sais pas, quand on voit des parties d'échecs, on ne pense pas forcément à ce que ça va brûler de la calorie. Est-ce que c'est à peu près la même chose du coup pour l'e-sport Alors, je n'ai pas les chiffres sur la perte de calories notamment. Oui, par contre, sur la performance intellectuelle, mentale, sur la préparation en termes de stratégie au niveau des équipes, sur la résistance au stress, sur la capacité de concentration pendant des longues minutes, pendant des heures parfois selon les games, effectivement, on est très proche de ce qui peut se pratiquer au niveau de l'échec. Il y a un côté répétitif, il y a beaucoup d'entraînement, mais là il y a eu les Worlds il n'y a pas longtemps, donc la finale de League of Legends, événement en soi, remporté par. On en parlera tout à l'heure, et avec surtout un événement clé, c'est qu'il y a eu 200 millions de viewers, c'est-à-dire de personnes qui sur internet ont regardé les finales, notamment sur le marché chinois, ce qui est quasiment le double du Super Bowl. Donc on a des chiffres qui sont quand même assez probants sur l'engouement au niveau de la fanbase. Et après, donc, ces joueurs, ça fait 3 semaines, 1 mois, qu'ils sont là-bas en train de faire des compétitions, de s'entraîner, de préparer leur prochain match. Donc, on retrouve des dynamiques assez proches de ce qu'on trouve dans le sport. Pour revenir au CIO, il y a eu l'eSports Forum à Lausanne au mois de juillet, où justement, le CIO a voulu écouter l'écosystème, on va dire, de l'eSport, pour essayer de comprendre un petit peu les enjeux, le fonctionnement. Et puis, l'écosystème de l'eSport aussi a voulu comprendre un peu mieux comment ça se passait au niveau du sport. Donc, il y a eu une rencontre, des débats qui était très intéressant, très enrichissant. Maintenant, est-ce que l'e-sport doit aller aux Jeux Olympiques ? De toute façon, il y a des contraintes purement, on va dire, administratives et légales, au sens où il y a le respect de la charte du CIO, il y a le fait d'avoir une fédération internationale, d'avoir des comités nationaux, d'avoir une problématique en lien avec la violence, c'est-à-dire il faut que les Jeux soient non violents. Donc comment on définit la violence ? Bref, il y a toute une panoplie de réflexions sur quel est l'intérêt de faire entrer l'e-sport au sein du CIO. Voilà. Justement, Thomas Barr, après les Jeux Asiatiques où il y avait des démonstrations d'e-sport, a déclaré « Nous ne pouvons pas avoir au programme olympique un jeu qui promeut la violence ou la discrimination. Les jeux de meurtre, de notre point de vue, contredisent les valeurs olympiques et ne peuvent par conséquent pas être acceptés. Bien entendu, tous les sports de combat ont pour origine des affrontements réels entre les gens, mais le sport est l'expression civilisée de cela. Les jeux dans lesquels le but est de tuer quelqu'un ne peuvent pas s'accorder. » Avec nos valeurs olympiques. Ouais, très bien, mais quand un boxeur est KO pendant les Jeux Olympiques, on fait quoi ? On dit que c'est pas violent ? C'est civilisé. C'est civilisé, ouais, d'accord, mais ok. c'est ce qu'il a dit. Après, des jeux que je vais pas faire la promotion d'un jeu plus qu'un autre. Et puis voilà, les points de vue évidemment se peuvent diverger et on peut ne pas être d'accord. Après, la vraie question, c'est qu'est-ce que la violence ? Quelle est la définition de la violence ? Aujourd'hui, est-ce qu'un jeu qui est PEGI 12, donc c'est-à-dire qui est déconseillé au moins de 12 ans, des personnes ça de moins de 12 ans ? Subjectif, je prends le cas de Fortnite par exemple, qui est le jeu quand même tendance et pratiqué par beaucoup de jeunes, pour pas dire la majorité des jeunes collégiens et lycéens et plus, est-ce qu'il est violent ? Est-ce qu'il pourrait rentrer aux Jeux Olympiques ? D'après la définition de Thomas Barr, non, on pourrait pas avoir du Fortnite aux Jeux Olympiques, alors que c'est le jeu le plus joué au monde avec League of Legends en ce moment. Par contre, on a la boxe. Bon, voilà, il faut trancher. Moi, j'aimerais juste ajouter une précision sur le fait de considérer l'e-sport comme un sport ou non. Il y a des catégories de pratiques qui sont considérées comme des sports, notamment des sports cérébraux, on parlait des échecs. Et pour le coup, par exemple, le poker est considéré comme un sport, qui est typiquement une activité qui va nécessiter de la stratégie, un aspect mental sur le fond. Et donc voilà, tout simplement pour réagir à ce que vous disiez sur le fait que des sports peuvent nécessiter vraiment une concentration. Avec une préparation en amont, des coachs mentaux et tout qui sont là. Donc en soi, je pense que certains jeux dans la catégorie e-sport peuvent être considérés comme des sports cérébraux. Mais c'est même la plupart, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui. En vrai, je connais pas tous les jeux. Tous les jeux qui se jouent. Vous avez cité des jeux que je connais pas, notamment le jeu au début qui a lancé l'e-sport. League of Legends non, StarCraft. Non, ça je connais le truc avant. League of Legends. Non, Space Invader. Ouais, voilà. C'est juste que tu ne vois pas en fait, mais c'est un jeu très connu. Je sais pas ce que c'est, ça, par exemple. Ouais. StarCraft, il me semble, c'est un jeu de stratégie, non ? Oui, c'est un jeu de stratégie et en fait, la connaissance de l'adversaire, c'était sa pratique, sa pratique en tant que joueur, mais aussi la pratique des joueurs avec lesquels, des personnages avec lesquels il va jouer, des champions avec lesquels il va jouer. C'est toute une science en quelque sorte, c'est même titre que les échecs en quelque sorte sur cette comparaison. Donc il y a énormément de stratégie, énormément d'entraînement, de cohésion d'équipe évidemment, parce que chacun a un rôle au sein de la partie, et donc à 5 joueurs, chacun n'a pas le même poste, n'a pas les mêmes fonctions au sein du jeu. D'accord. Donc c'est un peu c'est comme l'équipe de basket, voilà, il y a un pivot, il y a un meneur, il y a des ailiers, ben voilà, dans, sur certains jeux vidéo, c'est le même principe. Donc s'il n'y a pas une bonne coordination, une bonne compréhension linguistique aussi, parce qu'il y a des joueurs qui peuvent être sud-coréens, qui peuvent être danois, qui peuvent être français dans la même équipe par exemple. Ouais. Donc c'est voilà, tout un mélange de compétences finalement qu'il faut acquérir, qu'il faut développer, et c'est beaucoup beaucoup d'entraînement. Oui, moi je voulais, j'avais deux questions plutôt brèves. La première c'était plutôt caractère informatif. Je voulais savoir, tout à l'heure on a entamé la question de la frontière entre ce qui est violent et ce qui ne l'est pas, donc de la définition en fait qui peut être personnelle. Je voulais savoir dans l'industrie de l'e-sport, combien de, en termes de pourcentage, est-ce que vous auriez à peu près un pourcentage sur les jeux dits violents ou pas, donc en fait qui légitimerait ou délégitimerait l'intérêt de l'e-sport dans la prétention à être un sport olympique ou pas, quoi. C'est-à-dire la proportion de jeux. Oui, la proportion, oui. De jeux. Alors en fait, il faut voir que des jeux e-sport, il y en a des centaines. Certains sont plus connus que d'autres et certains sont pratiqués dans certains pays et pas du tout dans d'autres. Donc déjà, alors après, on a ce qu'on appelle des tiers, donc tier 1, tier 2, tier 3, donc les trois tiers en quelque sorte qui représentent les jeux les plus joués, donc avec League of Legends, Counter-Strike notamment sur le tier 1, etc. Et plus on descend, plus c'est des jeux qui sont, on va dire, un peu moins pratiqués par les communautés. La répartition aujourd'hui des jeux selon les continents ou selon les pays est inégale. Il y a des jeux qui sont violents et qui vont être pratiqués sur le marché américain, alors qu'ils ne seront pas du tout, par exemple, sur le marché asiatique. Donc j'ai pas de chiffres, de pourcentage, et j'ai envie de dire, quand bien même, aujourd'hui, des sports qui sont violents, des sports traditionnels, hein, j'entends, on en a pléthore. On peut parler du MMA, on peut parler de certains sports, de certains arts martiaux, on peut parler du rugby, on peut parler de plein de choses. Donc là, est-ce qu'il faut qu'il y ait un pourcentage qui dise, bah tiens, voilà, on a 51% de jeux qui sont non violents dans l'e-sport, donc ok, on peut aller au CIO. Non, en fait, c'est pas aussi simple que ça. Mais après, oui, effectivement, c'est surtout, en fait, le point de base, c'est la propriété intellectuelle en lien avec les jeux vidéo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le sport traditionnel, le CIO va faire rentrer, par exemple, pour parler de la pétanque, va faire rentrer des boules, par exemple, en démonstration pour les prochains JO en 2024. Donc, on dépose une candidature, on est à une fédération de boules, etc. Il y a les négociations aussi qui sont engagées. On a des négos, on a du lobbying, enfin voilà, il y a pas mal de choses derrière. Et au niveau de ce fonctionnement, on a cette opportunité de faire rentrer un sport, parce qu'il n'appartient à personne. C'est-à-dire que le sport est universel. Et dans la définition de la charte de Coubertin, notamment, au niveau des Jeux Olympiques, c'est ça, c'est le sport appartient à personne et appartient à tout le monde. Alors qu'au niveau de l'e-sport, c'est pas le cas. Pourquoi on jouerait plus à FIFA, donc de l'éditeur Electronic Arts, ou pourquoi on jouerait plus à Konami avec Pro Evolution Soccer? Il n'y a aucune raison. Enfin, si, il y a des raisons... business, ouais, lobbying, marketing, communauté, ça, marketing, tout ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, il a fait la partialité. Les ayants droit, aujourd'hui, les éditeurs de jeux vidéo, c'est eux qui détiennent tout. Organisation de tournois, cash prize, etc. Et qui ont la propriété des jeux. Et aujourd'hui, si on dit, tiens, voilà, 2024 aux Jeux Olympiques, on va faire du League of Legends, on va faire de l'Overwatch. En gros, ça met en valeur un jeu plutôt qu'un autre. Il y a ça, il y a un vrai problème. Il y a une sorte de discrimination. Éthique, discrimination, tout ce que tu veux. Et puis après, il y a une réflexion, c'est qu'aujourd'hui, on est en 2018. Qui te dit qu'en 2024, on va encore jouer à Overwatch, à League of Legends ou à FIFA? Bah, j'en sais absolument rien. Et donc, c'est maintenant qu'il faut déposer le dossier. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas 15 jours avant. C'est tellement évolutif en plus. C'est 5 ans, 6 ans, 7 ans, je sais plus exactement combien de temps il faut déposer les dossiers pour faire rentrer un nouveau sport. C'est maintenant. Et donc, le jeu vidéo est finalement très, très aléatoire. Il y a beaucoup de turnover, il y a beaucoup de hype et ça se trouve Fortnite dans 4 ans on n'entend plus parler. Bah c'est une mouvance perpétuelle, donc c'est sûr que c'est très dur d'avoir une prédication. Effectivement, si on prend le cas de Fortnite en Battle Royale, on a eu une vague H1Z1 qui s'est pas mal développée. Après on a eu PUBG qui est arrivé assez rapidement, puis finalement Fortnite avec un côté cartoon qui a pris le pas, et puis peut-être qu'après demain ça sera autre chose. Et puis il y a le mobile aussi évidemment, en plus qui rentre en compte. Le marché chinois, il y a plus de 50% de l'e-sport qui se pratique sur mobile aujourd'hui en Chine. Donc il y a des évolutions qui font que finalement, on ne sait pas trop ce qu'il en sera quand on arrivera aux Jeux Olympiques. Par contre, faire en marge des JO des événements, évidemment, tout le monde va le faire. Ils ont commencé à Pyeongchang, ils vont le faire en 2022 à Hangzhou, On va le faire. On va le faire en 2020, on va le faire en 2024 à Paris. C'est quoi tu dis ? Je dis ça paraît plus approprié, je trouve, plutôt que l'incorporer à des sports physiques. Voilà. C'est des démonstrations, c'est des événements, il va y avoir des foules. On a eu l'Euro en France, bah il y a eu une fan zone FIFA hein, sur le champ de Mars. Donc évidemment ces choses-là ça va se développer. Et donc pour revenir à ta question, c'est pas une question de pourcentage de jeux e-sport violents qui va faire que le CIO va finalement accepter ou non de faire entrer l'e-sport demain. Alors moi j'avais une question après, je pense qu'il va emboîter le thème qu'on voulait aborder après, à savoir économie et finance, et pour être beaucoup plus concret et terre à terre. Est-ce qu'on parlait aussi de l'intérêt de l'e-sport envers le CIO, mais est-ce que selon vous, il y aurait aussi un intérêt prononcé du CIO pour l'e-sport en fonction de la manne énorme concrètement, que peut engendrer notamment au niveau merchandising et marketing évidemment de la marque olympique, parce que le CIO se conçoit aussi étant une marque. En fait la problématique est simple, si on regarde c'est peut-être des personnes qui sont très focus e-sport, mais certains prédisent que demain on fera autant, on regardera, on consommera autant d'e-sport que de sport traditionnel. Et très clairement au niveau du foot par exemple, les instances du foot ont très très peur de l'e-sport. Et les clubs de foot, aujourd'hui, pourquoi on a un peu plus de 400 clubs à travers le monde, donc foot, hockey, basket, etc., qui ont leur équipe e-sport, c'est pas anodin, c'est parce qu'on crée des synergies, on fait revenir des gens dans les stades, on fait du merchandising, on fait du marketing derrière. Et donc, le sport traditionnel regarde de façon très attentive ce qui se passe au niveau de l'e-sport, parce que finalement, l'e-sport, c'est de l'entertainment, c'est de la compétition, c'est des communautés qu'on peut pas toucher par des médias classiques, parce que c'est la cible qu'on va appeler les millennials, c'est-à-dire les 15-35 ans. Mmh. Finalement, il y a une vraie question sur ce que peut apporter l'e-sport au CIO. Et probablement moins l'inverse, c'est-à-dire qu'est-ce que le CIO peut apporter à l'e-sport. Il y a des choses, évidemment, qui a à s'enrichir, à comprendre, mais les enjeux sont partagés, mais c'est sûr que le sport traditionnel regarde de très très près ce qui se passe dans l'e-sport, parce que jour après jour il y a des nouveaux investisseurs, il y a des nouveaux sponsors, il y a des nouvelles compétitions, il y a des nouveaux cash prizes, et donc forcément on va arriver à des économies qui vont se compléter, qui vont converger, on verra comment ça se passe, mais ça avance en tout cas dans une dynamique où tout le monde se regarde, on essaie de tirer du bon des uns et des autres et puis faire des choses ensemble aussi, parce qu'il y a pas mal de choses à faire entre le sport traditionnel et l'e-sport. Guillaume, une question. Alors je vais parler des jeux de sport mécanique. On sait que la Formule 1 génère un argent, une masse financière, importante. Manne financière phénoménale. Je n'ai jamais entendu d'e-sport déjà sur les sports mécaniques. Moi je suis fan. Même s'il y en a, il doit y en avoir, sûrement. Ouais, on va en parler. Voilà. Mais est-ce que le sport mécanique pourrait amener une manne financière plus importante? Parce qu'il y a énormément de fans autour du monde de F1, de MotoGP. Très clairement, la Formule 1. Alors dans l'e-sport, on appelle ça le sim racing, c'est-à-dire les simulations de compétition auto. Donc il y a plusieurs jeux qui sont connus de Gran Turismo, mais c'est surtout on va dire Forza, Project Cars, e-racing, Air Factor. Bon voilà, il y a pas mal de jeux qui se pratiquent aujourd'hui. Certains sont très très proches et sont même utilisés par les vrais pilotes de Formule 1. Je pense notamment au jeu de simulation qui s'appelle e-racing. Et aujourd'hui, il y a des compétitions. Il y a les Le Mans eSport Series, il y a les Formule 1 eSport Series également. Donc la Formule 1 s'est emparée de cette activité en sein avec l'eSport, et on a des pilotes finalement d'eSport qui concourent pour des équipes de Formule 1 traditionnelles. Et du coup, c'est sur quel jeu là qui sont? Alors ça dépend. Je vais prendre un cas concret. Nous, chez Stackern, on a une agence e-sport qui s'appelle Stackern Agency, qui gère les droits de joueurs professionnels. Donc on a un certain nombre de joueurs professionnels qui sont sous contrat chez nous, et on en a notamment dans le sim racing. Et on en a un récemment là qui est chez l'écurie de Formule 1 Williams. Pas l'écurie de Formule 1, mais l'écurie Williams e-sport team, donc l'équipe e-sport de Formule 1. Il fait partie d'un ce qu'on appelait un roster, une équipe. Ils sont 19 ou 20 joueurs. de plein de nationalités différentes et ils sont sur plusieurs jeux. Donc lui, il est sur Forza, il y en a qui sont sur GT. Les mecs sont assez polyvalents. Et voilà. Et ils participent à des compétitions et ils représentent finalement l'écurie Williams version e-sport dans des compétitions à l'international. En gros, leur fonction, c'est de représenter l'écurie sur plusieurs jeux donc à tendance sport mécanique. Donc, ah oui, pour l'instant, c'est que des sports méca. Après, il est clair que même les écuries de Formule 1 vont aller, on était partenaires dans une direction, ouais. Et dans d'autres directions. Je prends le cas de, ben voilà, des discussions notamment de McLaren, Formule 1, Williams et autres. Stacken était partenaire d'un événement à Londres il y a 3 semaines avec des conférences, etc. Et il y avait donc justement une réflexion sur le sim racing et le sport mécanique. Et tous ont convenu qu'ils avaient aujourd'hui une équipe e-sport avec plusieurs joueurs qui courent sur différents jeux, mais qu'ils ont très clairement la porte ouverte et ils sont en train de réfléchir à se développer sur d'autres jeux. Donc on pourrait très bien demain avoir une écurie, je sais pas, Ferrari e-sport qui va faire du Fortnite ou qui va faire du Counter-Strike. D'accord, c'est juste pour développer l'image un peu. Et parce qu'on touche des nouvelles cibles, parce qu'on fait voyager la marque, parce qu'on draine une nouvelle communauté. C'est surtout ça, je pense, de toucher une autre communauté. Il y a des enjeux qui sont forts et ouais. Bien sûr. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, l'argent dans la Formule 1 est non négligeable. Donc, ils ont les moyens d'investir pour faire des championnats, pour faire des compètes, etc. Autour de jeux de sport mécanique, hein, donc on va appeler le sim racing, mais probablement d'autres choses. On peut parler de. Je passe le bonjour à Jean-Christophe Aubin qui nous a invité, cet invité justement pour ce soir. Il y a une question pour vous. Du Krebs, évidemment, j'ai oublié de le préciser. Dans le cadre du suivi socio-professionnel des joueurs e-sport, qu'est-ce qu'un Krebs peut apporter à un joueur e-sport? Vous avez parlé tout à l'heure, on a parlé un peu avant du Krebs de Poitiers qui avait quelques actions dans le monde de l'e-sport. Alors bonsoir Jean-Christophe, merci pour la question. Alors effectivement, on a parlé un peu d'économie, d'enjeux, etc. Il y a une vraie question aujourd'hui, c'est sur la formation. La formation des jeunes qui veulent devenir joueurs, mais la formation aussi autour des métiers de l'e-sport. Donc ça se développe de plus en plus en France. France e-sport, donc l'association française dédiée à l'e-sport, la CCI d'Arles et ma société Stacken organisent le 29 novembre au Palais des Congrès d'Arles une journée professionnelle dédiée à l'e-sport et la formation, donc où l'ensemble des représentants des structures, on va dire, impliquées dans la formation de joueurs ou la formation de profils destinés à travailler dans l'e-sport vont se rencontrer, vont échanger, etc. Il y a notamment des workshops, des thématiques sur la reconversion du joueur, sur comment faire en sorte de labelliser ou d'homogénéiser les formations. Bref, sur aujourd'hui, la formation de l'e-sport, un Krebs peut apporter énormément de choses. J'entends par là déjà des infrastructures et des compétences techniques développées dans le sport traditionnel. C'est-à-dire la préparation mentale, la préparation physique, la mise à disposition de locaux, c'est ce que fait le Krebs de Poitiers aujourd'hui avec les Orcs. Donc les Orcs, c'est une structure associative qui est basée sur Poitiers. Et donc il y a un partenariat entre le Krebs de Poitiers qui est en train de préparer une formation en association avec donc les Orcs, une équipe assez connue en France, pour justement développer la partie, on va dire, préparation des joueurs, mais aussi reconversion, mais aussi synergie avec le sport, etc. Donc un Krebs aujourd'hui a énormément de compétences sur la formation des joueurs professionnels, des joueurs de haut niveau, en termes d'entraînement, en termes de préparation mentale, en termes de préparation physique, en termes d'hébergement aussi, parfois. Et donc, mettre un centre de formation e-sport dans un Krebs, c'est tout à fait intéressant, intelligent, possible et même souhaité, de mon point de vue. Ça resserre les liens entre les sports. Ça resserre les liens. On apprend énormément au contact des autres. Et c'est ce qui est assez pertinent, c'est que même sur le marché américain, il y a de plus en plus d'universités qui proposent maintenant des bourses pour des jeunes qui veulent aller dans des cursus e-sport. Moi, j'ai monté un MBA sur Paris en lien avec le sport business et l'e-sport à l'école ISG. On est implanté sur de plus en plus de formations à l'international. Et les Krebs ont ce lien qu'on évoquait précédemment et ses compétences avec le sport traditionnel. Et ça, l'e-sport peut s'en enrichir, peut le comprendre peut bénéficier des infrastructures, mais pas forcément des infrastructures, de l'accompagnement, des problématiques de reconversion. Et surtout, on est dans une économie où il y a une mixité qui est très très intéressante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être un homme, être une femme, être de couleur, être handicapé ou pas, on peut pratiquer le jeu vidéo. Et je pense qu'il y a, s'il y a un gros avantage à l'e-sport par rapport au sport traditionnel, au-delà de la pratique, c'est son aspect fédérateur. C'est-à-dire le fait de, ce que vous dites actuellement, c'est-à-dire le fait de rassembler des joueurs sur un même jeu, une même pratique, un même engouement pour un sport virtuel, et de les rassembler, quel que soit le sexe, quel que soit l'âge, quelle que soit la condition physique de la personne, ça n'empêchera pas de pouvoir les rassembler et de pouvoir jouer ensemble. C'est une passion. Je pense que c'est la grande force de l'e-sport pour moi. C'est une passion. Aujourd'hui, il n'y a pas plus de raison que ça, que les filles ne soient pas... très très forte sur du Counter-Strike. Oui, Strike, même en termes de variabilité d'âge, je pense que dans la Fortnite, typiquement, ça peut aller de 15 à 45 ans. Je pense que c'est... Moi j'y joue, hein. Je ne vais pas vous dire quel âge j'ai, j'y joue avec mes gosses. Voilà, je pense que c'est hyper variable. C'est mes gamins qui me coachent, mais hormis ça, non, effectivement, il y a un côté fédérateur qui est super intéressant au niveau du jeu vidéo au sens large. Et puis effectivement, après sur l'e-sport aussi, il y a des fans qui vont suivre leur équipe parce qu'il y a des stars. En plus, ouais. Et puis on organise des compétitions qui sont des vrais shows. On a rempli Bercy en l'espace de 20 minutes. La grande nouvelle de cette semaine, enfin de la semaine dernière, c'est que Riot va organiser la finale, ce qu'on appelle les Worlds sur League of Legends à Paris en 2019, c'est-à-dire l'équivalent de la finale de la Coupe du Monde, si on veut faire le lien avec le foot par exemple. Pour dire l'année dernière, je crois qu'ils avaient rempli le stade olympique de Pékin, peut-être, non? C'est ça, ouais, Nid d'Oiseau, ils ont fait 50 ou 60 000 spectateurs, je crois. Et ça se développe tous les jours. Des projets d'aréna, moi j'en connais un certain nombre, sur le marché nord-américain notamment. Voilà, il y a énormément de projets où on va faire des lieux physiques, où on va pas faire que de l'e-sport d'ailleurs, hein, on va pouvoir faire plein d'autres choses à côté. On peut-être mettre des écoles, peut-être mettre des incubateurs, peut-être mettre de la restauration, de l'hôtellerie, on peut faire pas mal de choses. Et il y a un côté, en tout cas, pour venir à la question, qui est assez fédérateur. Et sur la question de Jean-Christophe par rapport au rôle du Krebs, il y a tout ce qu'ils ont développé, tout ce qu'ils ont mis en place. Je pense par exemple aux procédures, notamment avec le BPJEPS, donc qui permet de former les animateurs aujourd'hui. Et c'est un sujet sur lequel moi je travaille et qui m'intéresse particulièrement, parce que pourquoi on aurait des animateurs aujourd'hui pour faire du ping-pong ou pour animer des centres de loisirs, pour faire du foot, etc. Et demain, on n'en aurait pas dans l'e-sport. Et c'est typiquement un des enjeux de l'e-sport, c'est-à-dire que l'e-sport amateur ne pourra continuer à se développer de façon pérenne que si, un, il y a des subventions, des accompagnements, mais aussi des personnes qui vont former les jeunes, qui va faire du coup en sorte que l'e-sport professionnel se développe à son tour. Pourquoi on a Kylian Mbappé aujourd'hui qui est sur le toit du monde? Parce qu'il a commencé dans un petit club à 7 ans, à 8 ans, etc. Parce qu'il y avait un éducateur qui était bénévole, qui a été formé, et qui a... Après, il y a un côté génie, hein, il y a du travail, etc. Pour répondre à ce que vous disiez juste avant, je pense que c'est tout simplement une question d'éthique. Je pense que la politique publique française a dû manger, bouger. Est-ce qu'elle serait d'accord pour mettre en valeur l'e-sport par rapport à la pratique physique? J'en suis pas sûr. Alors, d'un point de vue gouvernemental, je parle. Ça, c'est des choses qui bougent. Je pense que c'est une question d'éthique qui peut être un peu susceptible de faire pencher la balance plutôt vers les sports physiques plutôt que l'e-sport. Eh bien, parce que tu viens de dire justement les sports physiques, parce que tu associes le fait que l'e-sport n'est pas un sport physique. Et alors, en fait, j'avoue, pour moi, c'est plutôt un sport cérébral. Voilà. Mais après, quand tu vas avoir de la réalité virtuelle, ou quand tu vas avoir des jeux en réalité augmentée et qu'il va y avoir des compétitions internationales, ou si tu fais du Just Dance, tout simplement, je ne sais pas si tu as déjà fait du Just Dance. Compétitions. Ouais, après, j'ai du mal à mettre en perspective la réalité virtuelle, les compétitions, tout ça, mais je comprends. Après, c'est. Avec la Wii aussi pendant un temps. Exactement. Et aujourd'hui, les pouvoirs politiques ne vont se lancer vraiment dans le secteur de l'e-sport qu'à partir du moment où, il y aura une fédération, et ce n'est pas le cas en France, on n'a pas de fédération. C'est sûr, il faut que ce soit institutionnalisé. Donc il faut que ça soit une vraie fédération qui fonctionne. Est-ce que France e-sport joue ce rôle un peu? Alors c'est le rôle de France e-sport déjà de fédérer, d'aborder un certain nombre de sujets. Il y a des comités en lien avec la formation qu'on évoquait tout à l'heure, la protection des mineurs, le droit, la protection des joueurs. Enfin, il y a plein de choses qui sont abordées. Mais sur la structuration même pour avoir des subventions, il faut être reconnu par l'État, c'est-à-dire être associé à un ministère. Alors ministère du sport, ministère de la jeunesse, ministère de la culture, parce que le jeu vidéo fait partie de la deuxième industrie culturelle en France, après la littérature. Donc il faut effectivement qu'on puisse trancher à un moment ou à un autre sur comment on peut faire rentrer l'e-sport dans un circuit où on va avoir des subventions, où on va avoir dans chaque quartier, pourquoi pas des maisons pour dédiées à l'e-sport. C'est ce que justement Paris essaie de développer en ce moment. Former des animateurs qui vont pouvoir accompagner les jeunes, qui vont pouvoir organiser des petites compétitions dans leur village, etc. Pourquoi on ne ferait pas des e-sport études, même si c'est en train de se monter en ce moment. Bref, il y a plein de sujets à aborder, et le CREPS a un rôle particulier, je pense, en termes de savoir-faire, en termes de vision, en termes de labellisation de formation. Et puis de contingent aussi. Et puis on peut trouver des synergies avec des athlètes de haut niveau. Aujourd'hui, pourquoi on a Griezmann qui est en train de faire une danse de Fortnite pendant la Coupe du Monde? La plupart des joueurs aujourd'hui de haut niveau, ils font quoi? Ils jouent aussi, ils pratiquent le jeu vidéo. Alors pas forcément de manière compétitive, mais on s'aperçoit qu'on pourrait avoir des ambassadeurs de l'e-sport, y compris dans le milieu du sport. C'est un bon point à développer. Justement, une petite question. Alors, lapsus souvent fait par nous, mais justement, c'est l'occasion de rabattre des idées reçues. On parle beaucoup d'un sport, si on le qualifie comme sport, cérébral. Via ce que ferait le CREPS ou des clubs, qu'est-ce qu'on peut imaginer par contre comme préparation physique? Et est-ce que justement il y a des qualités particulières pour faire un grand compétiteur d'e-sport, quel que soit le jeu, c'est-à-dire que en fait c'est comme si tu fais du lancer de javelot ou si tu fais du basket, tu mets pas finalement les mêmes aptitudes, t'as pas la même préparation physique. Donc selon les jeux, tu vas pas avoir la même préparation ni mentale ni la même préparation physique. Il y a des choses qui sont très très proches et très exploitées. Sur le côté purement préparation, je pense que le CREPS a un rôle à jouer sur le savoir-faire qu'ils ont, sur la compréhension, parce qu'ils ne savent pas forcément non plus ce qui se passe dans l'e-sport. Donc il y a les deux côtés en fait, où on va pouvoir apprendre. Ils ont les infrastructures techniques, donc ça peut être assez intéressant. Et au niveau de la pratique compétitive du jeu vidéo, il y a déjà des choses en place. Il y a des ostéopathes, il y a des diététiciens, il y a des préparateurs physiques, mentaux, comme on l'évoquait tout à l'heure. Donc il y a déjà il y a des kinés qui sont spécialisés dans l'e-sport parce qu'il y a des pathologies dans l'e-sport. Et même si c'est pas un sport très physique, on peut avoir de sérieux problèmes de générescence au niveau de la rétine, au niveau de la posture, au niveau du dos, au niveau du canal carpien. Il y a plein d'athlètes de haut niveau qui se sont blessés à force d'entraînement, à force de jouer. Et là, on parle d'une souris, on parle d'une manette, de ce que vous voulez, mais qui se sont blessés à force de pratiquer. Donc ça veut dire qu'il y a toute une partie prévention. On pourrait imaginer de la cryothérapie, on pourrait imaginer plein de choses en termes de kiné, y compris pour des athlètes d'e-sport, parce qu'on parle de cyberathlètes finalement. Ouais. Donc même si leur expression du jeu passe à travers un écran, à travers une manette, à travers un clavier, à travers une souris, ils n'en sont pas moins physiquement des athlètes presque de haut niveau, et aujourd'hui on s'aperçoit qu'ils s'entraînent très souvent comme des athlètes de haut niveau, d'un point de vue physique, d'un point de vue préparation. Ils vont courir, ils vont faire attention à ce qu'ils mangent, ils vont avoir des séances de yoga, de relaxation, etc., avant de rentrer sur une compétition. On va terminer avec notre... on aurait pu parler de beaucoup de choses, parce que la formation, on aurait pu parler plus, le financement, le sponsoring... Tellement de choses à dire, finalement. La médiatisation, l'audience, etc. On sera obligé de me réinviter pour la 200e, alors. Exactement, la dotation, etc. Oui, en effet. On va terminer avec une dernière question, et peut-être plus parler de Stackern. Et quels sont les projets à court et long terme de votre société? Alors, les projets, il y en a pas mal. Rapidement, nous, on a un positionnement donc, qui est essentiellement international. On parlait du marché tout à l'heure de l'e-sport, c'est que le marché français est un très petit marché, un peu moins de 30 millions de chiffre d'affaires l'année dernière, versus quand même des enjeux qui sont forts, mais néanmoins il est bien présent. Notre volonté est de développer une stratégie pour accompagner des marques et des clubs au niveau international. Donc on a un réseau de consultants sur le marché américain, sur le Moyen-Orient. On est en train de développer sur la partie Asie et sur la partie Amérique latine. Donc là, on est en train de fédérer, on va dire, des acteurs qui vont pouvoir répondre à des problématiques précises selon les besoins des entreprises. Des projets d'accompagnement de clubs, évidemment, de clubs de sport, de foot, de rugby, de basket, de hockey également, qui veulent faire des événements autour de l'e-sport ou qui veulent monter une équipe e-sport. Donc on a pas mal de travail dessus, de démocratisation. On a des projets aussi de créer un incubateur. Donc je lance un appel aujourd'hui, j'en profite de cette émission intéressante pour dire qu'on a pour objectif l'année prochaine de monter un incubateur de start-up dédié à l'e-sport, donc tout ce qui va tourner autour de notamment de la réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte, intelligence artificielle, blockchain, etc. Et on cherche des locaux, on cherche une structure qui aurait 200 à 250 mètres carrés à nous offrir pendant 2-3 ans pour qu'on puisse incuber des start-up, pour qu'on puisse se lancer. Donc ça fait partie des projets, faire un incubateur. Sur Montpellier, sur ou Montpellier, pas forcément. Oui, oui. Sur Montpellier, d'accord. Oui, parce que si je voulais faire plus de business, j'irais sur Paris, mais en fait, je suis montpelliérain. Et, et je reste. Il y a plus de concurrence sur Paris. Hein. Voilà. Oui, il y a de la concurrence, il y en a partout, et heureusement d'ailleurs. Mais simplement, au niveau du développement économique ou des choses que l'on peut faire, on n'a pas forcément toutes les infrastructures et tout le suivi, le soutien qu'on pourrait avoir d'une grande capitale, par exemple, avec Paris & Co, qui justement est l'acteur économique de développement économique de Paris, qui va très fortement dans l'e-sport. Et on pense qu'il y a des choses à faire dans toutes les régions. Et donc, je compte bien faire en sorte que l'Occitanie puisse prendre une vraie place importante dans le secteur de l'e-sport. Je vous remercie, ou je te remercie parce que tu m'as dit de tutoyer, mais j'ai quand même vous voyé pendant tout le débat, d'être venu donc, avec nous pour parler e-sport. C'était très intéressant. Ça mériterait une deuxième, d'en parler un peu plus. Et puis, bonne continuation à vous, donc Boris Bergeau, et donc votre entreprise Takern. Voilà, l'appel est passé en tout cas pour la fin. Et merci nous, on va passer à notre deuxième pause musicale. C'est Mac Miller avec le titre Matches. Motherfucker felt like a grown-up. Solo. Mama coming bitch about a curfew. I was still playing around the corner. 7 years old, saw my first porno. Damn, that fucked me up. At 10, I bust my first nut on this older hoe gut. But so what? Let's recap. The earth's spinning too rapid. I'm living too fast. Sin is a habit. I can't hack, fornicate, act as rabid. One bean short of an acid tablet. Security guard sponsor my cigarettes. The old head, go ahead, cop me a brew. Sometimes them Koreans be cool. These shades make me look 22. They say you'll learn when you get older. I just say that that ain't true. That just mean when you was younger, you ain't get turned up like us fool. Just got L, so I'm riding high, still in high school. But I do everything I will do when I'm 25. I was young with ambition, fuck around with these hoes. Never needed permission, went and lived the life that I chose. Premonition type visions, you see the world as it goes. Tell them all what they missing while I watch it as it unfolds. I'm dodging my death, confident kid, I was trying to go rock with the best. Watching my step, never no college plan, found myself not enough, always on test. Day, I could have been a great graduate, would have got one of them hoes from the bachelor. Could have been smart, could have been a doctor. Life full of drama, little soap opera, falling in love, lucky that I caught ya. Almost got her knocked up, would have been a father, all about energy, make good memories. I'm the fucking Dalai Lama. Only 18, but I have my own business. Then I got fame, like what the fuck is this? Whole bunch of cameras, fake ass bitches. Everybody around wanna treat me all different. Oh, I'm cool, cause I got money. Back in high school, none of these hoes was trying to fuck me. I thought it was conspiracy. Sometimes my thoughts start scaring me. With parody, hilarity, but that funny shit's for the parodies. Something brand new, wonder what it might be. Call me off the drugs, moving at a nice speed. If you 18 years and older, 18 years and older. If you 18 years and older, 18 years and older. I'll be cool with the world, take care of my family and take care of my girl. Plant a couple seeds, raise a gang of trees. Went to see a rated R. Said you must be 18 years and older. 18 years and older. 18 years and older. 18 years and older. 18 years and older. De retour sur Sport and Chill, c'était Mac Miller avec le titre Matches. On passe tout de suite au quiz. Sport and Chill, le quiz. On met le casque là, on va se concentrer. Et pour ce faire, nous avons au téléphone, s'il me semble bien, un certain animateur de Sport & Chill, je crois des deux premières années, un certain Kevin, dit Keke évidemment. Salut Kevin. Et bonsoir tout le monde. Comment ça va? Je suis de retour, j'étais déjà là la semaine passée. Est-ce que tu as ruminé un peu ta défaite ce dernier coup? À cause du décalage téléphone. Ça a été compliqué. Oui. Bah, encore une fois, je vais être désavantagé de ce côté-là, mais bon, je retente quand même ma chance, tu vois. Bon, allez, du coup... Ouais, j'ai ruminé la défaite d'hier, ouais, malheureusement. Ah là là. Bon. En effet. Ça a existé. Écoute. On va faire donc le quiz et on parlera un petit peu à la fin de Sport & Chill. Je te dis juste que le quiz, la moitié du quiz est sur le thème d'il y a 3 ans, donc la première émission en fin octobre. En octobre ou en novembre 2015. Okay, donc, bah, c'est sûrement moi qui avais dû faire le quiz pour le coup alors. Et du coup, l'autre partie du quiz, c'est sur le chiffre 100, évidemment, puisque c'est la centième. Donc voilà. C'est bien pensé tout ça. Il y a qui autour du plateau? Alors, un petit y a coup là, parce Tim, que j'ai pas pu vous écouter. Il y a Tim et Romain, les historiques, évidemment. Et il y a Yacine et Guillaume. Guillaume Laval, okay, évidemment, pas le DLS. Que du beau monde, alors. Ah là, oui, clairement. Yacine et Romain, on va vous mettre à deux. Très bien. Et Kevin, tu joues tout seul, évidemment. Tim aussi, et Guillaume aussi. Voilà. Allez. Mais nous, on a qu'un micro, les gars. Ouais, c'est un peu biaisé. On va faire un tour de table. On va faire un tour de table. Vous voulez me dire qu'une réponse seulement. Il y avait 3 ans, donc du coup, vers fin 2015, avait lieu un certain PSG Real et Madrid qui s'est imposé un but 1-0 dans le groupe A de la Champions League qui avait marqué pour les Madrilènes. Attention, chacun tour de table. Tour de table. Vas-y. Nacho. Ouais, je l'avais, mais Nacho, je ne savais pas si c'était un tour de table ou si c'était une rapidité. C'est un tour de table. Bah, Nacho, ouais, c'est sûr. Nacho sur une petite boulette. Voilà. De Kevin Trapp. J'ai l'impression que c'est facile. Est-ce que tu veux dire la même chose? J'aurais pas dit mieux. Dupont et Dupont. Allez, question annulée. Question annulée, en effet. Annulée. Donc, un point chacun, évidemment, c'était Nacho. C'est bien, c'est beau, on démarre tous avec un point. Ouais. C'est vrai, je suis sympa. Et non, pas Nacho Monreal. Tour de table. Il y a 3 ans, on parlait justement aussi de la première mission de Paris-Bercy. Et c'est Novak Djokovic qui s'imposa sur cette édition de 2015. Combien de fois l'a-t-il gagné ce tournoi? 4 fois. 4 fois. 4. Heureusement que j'ai dit tour de table. Ah merde. Donc on a eu cette question. Tour de table, hein. Oui, c'était une tour de table, on a eu cette question. D'ailleurs, je vous donne une seconde chance. Tour de table. Djoko, combien de Master 1000 en tout dans sa carrière? Allez, on va commencer... Combien de Master 1000? Alors 4 fois évidemment pour Paris-Bercy, dont le dernier en 2015, puisqu'il n'a pas gagné par la suite. Il avait gagné 3 fois d'affilée. Et cette année, il a fini en finale. Guillaume. 32. 32. 32. Tim, 32. Je te fais confiance. 32. Je crois 32 aussi, que c'est le nombre précis. Décidément. Shanghai est le 32e. Moi je vais dire 32 aussi, allez. En fait, j'ai fait un quiz qui ne les départage pas, évidemment. 32. On va y arriver, on va y dans arriver. Dans 5 à l'Indians. Trop facile des questions. Dans 5 à l'Indians et 5 à Miami aussi, par exemple. On va voir si elles sont faciles, mes questions. Il y a 3 ans, le 31 octobre 2015, avait lieu la finale de la Coupe du Monde de rugby. Qui était. On va faire un tour de table aussi, mais si vous avez faux, vous êtes éliminé. Qui étaient les marqueurs d'essai de cette finale? Allez, le duo commence. Manonou. Manonou? Oui. Oui, en effet. Tim. Ça veut tout dire, ça. Mou. À mon avis, tu peux passer. Hein. Ouais, on passe. Ouais. Allez. Guillaume. Ouais, je vais dire. Je sais même pas s'il est d'un pays des concernés, Rocco Soko. Il est d'un des pays concernés, mais il n'y a pas. Pas marqué. Est-ce que quelqu'un, tu as un avis dessus? Alors il y en a 3 pour eux. Jonah Lomu. Il y en a 5. En 2015. Merci Keke. Non, j'avoue j'ai pas. Il y en a 3 pour les Blacks et 2 pour les Australiens qui étaient en finale. Nous, on avait une idée pour l'Australie. On avait une idée. Oui, bah ça va. Le prestige, évidemment, on a gagné. Ashley Cooper. Non. Il y avait pour les All Blacks Milner Scudder. Manonou, en effet, Boden Barrett, ouais. Et pour les Australiens, pour les Australiens, oui. Pocock et Kouri Drani. Kouri Drani, ouais, au centre. Allez, point pour le duo. Là. Mérité. Personne n'a trouvé le dernier, hein, je remarque. Allez, rapidité. Il y a 3 ans, le 18 octobre, la France remportait la finale du championnat d'Europe de volley, 3-7-0 contre la Slovénie. Le match de la 3ème place, quant à lui, était l'affrontement entre deux pays organisateurs. Lesquels ? La Lituanie. Non. L'Italie, la Croatie. Pologne, Serbie. Italie, Tim prend le point pour le premier. Et le deuxième ? Non. Serbie. Slovénie. Non. Ah bah non, mais non, on est pas en finale. C'est les mêmes couleurs de drapeau, je pense. Autriche. Je crois. Hongrie. Irlande ? Non. Que la quoi? Que la que l'Italie, l'autre Hongrie, pays. La Bulgarie. Ah, Bulgarie, ouais. Ouais, bien joué. Mais la Hongrie, ça marche aussi. Bah oui. Un petit point géo, là. point pour Duo. Ça régale. Allez, Kéké, là, je sens que c'est pour toi, celle-là. On y croit. Ouais. Allez, c'est rapidité. Ouais. Que suis-je? Attention, que suis-je, hein. Top, je suis. Un événement mondial qui a eu lieu le 21 novembre 2015. Il y a environ 3 ans, en effet. Un événement qui a vu s'affronter deux clubs et dont le vainqueur fut le club qui est à l'extérieur. Par un score assez fleuve pour un match qui est normalement très serré. Le Barça au Real 4-0. Précise. La victoire du que Barça. Que suis-je? Ah, le Classico. En effet, c'est d'ailleurs le même écart. T'étais pas obligé de me la faire, celle-là. C'est d'ailleurs le même écart au niveau du score que l'édition 2018 de cet événement, à savoir 4 buts. Ah, mais lui, il se rappelle du temps qu'il faisait aussi. Cette année, avec 5 buts à domicile, en 2015, avec 4 buts à l'extérieur. Oh, édition, ça les buteurs perturbé. De cet événement étaient Suarez, Neymar et Iniesta. Je suis le Classico. Bizarrement, j'ai pas retenu ces deux événements. Allez, on passe sur le thème, les chiffres 100. Le chiffre 100. Tour de table. Roger Federer est à un pas de son 100e titre de sa carrière. À l'heure actuelle, il est donc en 99 avec son titre à balle. Quel est le pourcentage de victoire de Roger sur l'ensemble des finales qu'il a jouées? Et Keke va commencer, tiens. Le pourcentage de victoire sur sa finale. Je vais dire 82%. 82%. Ouais. Allez, Guillaume. 56. Tim 70%. 70%. 73%. Je suis peut-être un peu haut, ouais. 75, non? Tim est le plus proche, 66%. Puisque 99 sur 150. Je me souviens, ouais, en fait que tu l'avais déjà posé l'année dernière, c'est pour ça. Ouais, moi aussi, je m'en souviens. Mais depuis, ça a évolué de quelques pourcents. Je savais que c'était en dessous de 75. Ah ouais, bah il s'en est souvenu. Hein. Écoute, moi aussi, je m'en suis rappelé. Je dis, je vais la faire. Allez, Tim qui marque les points. Et qui pour l'instant est le seul à suivre le duo, hein, un peu infernal. Allez, rapidité. La 100e édition du Tour de France, il y a quelques années, en 2013, avait débuté dans quelle ville? Leeds. De quoi? Normoutier. C'est le 2014, non. Düsseldorf. Non. Bruxelles. Non. C'était en le Tchellar. 2013, c'était France. Le Tchellar, ouais, mais pas là, c'est là qu'est de l'ombre. De quelle ville? Porto Vecchio. Joli. Guillaume t'a volé le point, en effet. Merci pour la Corse. Hein. Porto Vecchio. Corse, Kevin, je t'ai pas entendu. Oui, tu l'avais dit ou pas? 2014. C'est celui-là. Non, je l'avais pas dit, j'avoue, je dois l'avouer. Non. Allez, Guillaume marque le point, c'était de Porto Vecchio en Corse. Rapidité, qui a dit cette année en 2018, ça ne m'intéresse pas d'être 100e mondial. Si je vois que je n'ai pas le niveau, honnêtement, Gilles Simon. Je remettrai en doute mon retour. Il me reste à perdre de la masse grasse son gars pour être la plus compétitive. Bartoli. Ouais. Attends, sur la durée. La masse grasse compétitive. Ouais, ouais. C'est scandaleux. Je ne sais pas ce que tu parles, Tim. C'est très mal pensé. Ouais, mais bon, allez, c'est point objectif, quoi. Pour le duo là. Bizarrement, on l'a eu à ce moment-là. Ouais, c'est bizarre. Allez, tour de table. C'est aussi donc 100, c'est aussi le 100 mètres, forcément. Ouais, t'es sûr. Je vais vous demander un record chez les hommes. Du 100 mètres, mais en handisport. Ah ouais, sinon on l'avait tous, je pense. Tour de table. Attends, handisport, fauteuil, aveugle. Non, prothèse. Avec une prothèse. Prothèse. Allez, commence par le duo là. Duo Romain Racine. Record du monde chez les hommes en 100 mètres avec une prothèse en handisport. Moi, j'ai rien avec 14 secondes. Attends, je sais pas si on va dire. Oscar Pistorius fait partie des. Non, Oscar Pistorius il courait avec les valides. Non, c'était en 4, mais même c'était en 4 sur match, je crois qu'il jouait. C'est par Jared Wallace, battu en 2015. Un américain étudiant en management du sport et qui est amputé d'une jambe. En quelle année 14-37. 2015. Allez, 14-37. Ouais, 14-37. J'ai pas vraiment. Tim 12-15. Guillaume 12-14. 12-14. Kéké. Peut-être que c'est moi. 10-72. 10 combien? 10,72 il a dit. Ok d'accord. Le record du monde. Ah mais c'est cheaté. Est à 10,71. Oh okay. on me l'accorde. On me l'accorde. Bah bien sûr qu'on te l'accorde, évidemment. Oui, oui. Alors là tu vois, ça sent le mec qui est sur internet, évidemment. Mais qui fait là, genre ouais je sais pas. Et vu que je ne suis pas simple, je suis pas. Je triche. Et vu que il y a un lobby pour les animateurs, je donne 2 points à Kéké pour celle-là. Scandaleux. Totalement au hasard, hein. Là pour le coup. Fallait le relancer le Marseillais. Allez, oui. Dernière question. T'as chaud une saucisse ce soir. Hein. À 2 points. Dernière question à 2 points. Il faudrait bien une galette de saucisse en tout cas. Une dalle, moi. C'est un chiffre. Et bizarrement, c'est le chiffre 100 que je vais vous donner. Oh oh. 100 millions. Je vais donner des indices de temps en temps. Et vous avez qu'une seule réponse. Hein. Si vous avez faux, vous êtes éliminé. Trop nombre de joueurs e-sport. 100 millions. T'es sûr de vouloir donner une réponse? Ah, c'est qu'une réponse, non, parce autant que du pour coup, moi. C'est... Non, ouais, d'accord. 100 millions de dollars. Une somme donc. Hé hé, bien vu. 100 millions de dollars cette année en 2018. Une somme attribuée en 2018 donc. 100 joueurs aussi. 100 joueurs, donc c'est-à-dire il y a 100 millions qui ont été attribués à 100 joueurs peut-être. Merci Tim. Il pourrit le quiz. Allez, je suis folie pour rien moi. Une dotation, un prize money. Pour un combat de boxe. La Lever Cup. Non, je dis n'importe quoi, oui, 100 joueurs. Vous êtes sûr? Non. Non, t'es sûr de... Non, je dis pas ça. T'es sûr de dire la Lever Cup? Ouais, je dis la Lever Cup. Mais éliminé. Mais il n'y a pas 100 joueurs à la Lever Cup, mon kéké. Attention, c'est là où tout va se jouer. Ah, j'ai e-sport. Loupé le 100 joueurs, désolé. E-sport. Parce que c'est un peu notre sujet la de la notation de la Paris Games Week. Non. Et enfin, dernier. Ah, mais en fait, ils parlent pas, ils ont gagné, quoi. Éliminé. Non, ils ont pas de points. Ah ouais, ok. Battle Royale. Je sais pas, la dotation sur le tournoi mondial sur Battle Royale en 2018. Précise. La dotation du vainqueur. Précise, Tim. La dotation totale répartie sur le nombre de joueurs totaux. Le gatatone, quoi. Est-ce que vous avez quelque chose, le duo? Moi, je pensais la dotation du vainqueur de la compétition de Battle Royale qui était composée de 100 joueurs. Non, d'une personne centaine ne l'a, de joueurs. Personne ne l'a. Ni Kéké, je veux bien donner les points même si vous avez donné votre réponse. Je crois que c'est ce que Guillaume Bialès a dépensé à Cap Chef. C'est plus du sérieux. C'est sur le jeu du moment, puisqu'on a parlé d'e-sport, c'est Fortnite. Le jeu du moment lançait un budget colossal de 100 millions de prize money pour les joueurs en 2018. Donc c'est le cash prize, c'est le cash prize, le prize money tout simplement, voilà, pour leurs joueurs, la manne financière. Sur combien de tournois du coup? Je crois qu'il y en a un par mois, donc sur 12 sur mois. Ah ouais, ce qui est pas mal. Hein. Voilà. Ça se fait 100 000 cases. Victoire du duo et Yacine Romain avec 6 points. Guillaume à 3, Tim et Kéké à 4. T'as compté mon point pour saucisse? Ah non, je l'ai pas entendu. Ah bah, je l'ai pas entendu, 4. Ça fait 4 en effet. Le mec il gratte. Ouais. J'assume. Mais c'est mérité. Oui, parce que maintenant voilà, on doit dire des mots à l'antenne. Bravo. Voilà. Des mots et passer, mon petit bonus pour le décalage, moi tu. Oui, bah ça fait 5, mais tu gagnes toujours pas en fait. Mon Kéké qui gratte, hein. Mon Rudy Garcia. On va terminer avec toi justement, Kéké, sur un petit mot de cette émission hein, qui est la tienne. On peut le dire puisque c'est toi qui l'a créé avec une bande de potes, il faut le dire aussi, et qui maintenant perdure après 4 ans, après 3 plus 3 ans. Il fallait que je prépare quelque chose ou... Non, si t'as un petit mot à dire. Spontané, larmoyant. Bah non, mais. Soit naturel, non, quoi. Que, avant de te quitter, presque, quoi. Presque la larme à l'œil déjà, hein, parce que ça fait 100 émissions, là. Je pense que l'émission a bien grandi. On voit d'ailleurs à l'époque, je sais pas combien il y avait de Français à Paris-Bercy en 2015. Quand on avait fait le premier coup. Et là, ça n'a pas changé. Les résultats ont été probants. Je sais pas, à mon avis, on est sur un statu quo. Hein. Ouais. Je pense que voilà. Hashtag bon, excellent dans la médiocrité française. Toujours une belle émission. On espère qu'on fera la même chose pour la 200e. Hein. En effet. Et tu fais bien de le dire juste pour Paris-Bercy, parce que le hasard des choses fait que la première émission était sur Paris-Bercy et la 100e également. Bah ouais. C'est vrai? Oui, voilà. C'est pour ça que j'ai fait une question sur Paris-Bercy. Ah d'accord, ok. Voilà. Et sur la Coupe du Monde de rugby aussi. Je ne savais pas. Très bien. Bon, merci, merci Kevin d'avoir été avec nous pour la 100e. Si au saut de mon kéké. Hein. Et puis je reviens pour le prochain quiz. En effet, oui, pour la... ils vont prendre une habitude. Pour la 200ème, on est d'accord. Pour la 101ème, des fois. Que... Allez. D'ici là, l'équipe de France sera championne du monde. Bye bye, tout le monde. Bonne soirée, ciao. Salut, salut. Allez, nous on passe à notre pronostic de la semaine. Il n'y a pas d'agenda cette semaine. Le pronostic, évidemment, par Keke qui va nous. Okay. Ouais, c'est qui n'est plus là. La même personne finalement. Les larmes, les larmes. Il y en a qui a une calvitie et l'autre pas. Alors, donc, on trop d'émotions. Qu'est-ce que t'as contre les chauves? Non, je rigole, je les adore. Alors, mon pronostic de la semaine sera un match de Ligue des Champions. Ça passera pas. Et ton affront. mon pronostic de la semaine, c'est Inter Milan contre l'FC Barcelone. Quelques petites cotes et petits trucs à dire, peut-être yes. Petits tips. Alors, l'Inter Milan qui reçoit donc Giuseppe Meazza. Oui. Wow, non, je le dis sur le pouce. L'Inter Milan est coté à 3,65, le nul est à 3,60 et Barcelone est à 1,91. Donc plutôt une cote élevée pour Barcelone. Donc n'hésitez pas à me donner votre pronostic. Et juste, je rajoute le 1 ou nul. Donc Inter Milan au match nul est à 1,71. Ouais, je. Alors, il paraît que Messi sera dans le groupe. Donc je mettrais plutôt. D'accord, mais ça, peut-être vraiment le pronostic. Tu peux commencer, Guillaume, avec Messi dans le groupe. Avec Messi dans le groupe. Bah, après, est-ce, le qu'il score, est-ce qu'il jouera, est-ce qu'il rentrera à la 65e, on sait pas. Bah, s'il est là, il va jouer, a priori. On est Messi. Hein. Ouais, voilà. 0-2. Sur le banc. 0-2, donc Barça 1,90, quoi. Ouais, ça se joue. Tim, vas-y, je t'en prie. Tu peux dire le tien. Moi, je veux. Un partout. Ok, un partout. Ouverture du score de l'Inter et t'es pas crédible, Yacine. Pourquoi? Il y a pas de la frustration. Et derrière, le Barça en met 6, quoi. Après tout, le Milan joue l'Europa League, donc il y a pas de souci. Allez, vas-y. Victoire de 1 du Barça après ouverture du score de l'Inter. Ok. Et moi, avant que Guillaume parle, je pensais comme lui, j'irais 0-2 Barça. Ok, d'accord. Et moi, je vais mettre un partout aussi, donc entre l'Inter et le Barça. Et on a un dernier pronostic, c'est un autre Guillaume, parce qu'on a eu beaucoup de Guillaume. C'est un Guillaume Bialès, alors qui n'a, on va dire, pas fait partie de la première, mais qui a fait partie de la première saison. Quasiment. Première saison, carrément, c'est un Ah, c'est le taulier. Carrément chevreux, j'ai dit ça, mais un taulier de... Qui est devenu incontournable. De Sport & Chill. Bonsoir Guillaume, est-ce que tu es avec nous? Et parle-moi que la semaine dernière. Je suis honoré de cette introduction. J'avais l'impression que j'avais oublié les vieux meubles, mais apparemment... toujours poussière. Toujours en train de railler. Les provinciaux préférés. Les provinciaux directement, oui. Ah, un peu. Alors Guillaume, est-ce que tu as entendu un peu le pronostic Inter-Barça? Est-ce que tu as le tien? J'ai commencé à entendre les propos objectifs, bien évidemment, de mon Yacine sur l'Inter. Merci. Je vais aller à l'encontre, mais pas complètement non plus. Je vais mettre un petit match nul. C'est bien à Milan le match. Hein. Oui, c'est oui. Ça à San Siro. Ouais, je vais mettre un petit match nul vu que le Barça est déjà. Combien c'est à 3,5 non la cote? 3,60 la cote. 3,60, pas mal. C'est ah énorme. Oui, je suis joueur. Allez, et tu mettrais quel score? Vas-y, j'y mets. Je mettrais plutôt un petit 1 partout, allez. Ah bah comme nous, comme team, c'est jouable. Comme quoi, bah, les grands esprits se rencontrent à mon team. Ouais. Hein. Malin comme des singes, ceux-là. Ouais, toujours. Hein. Voilà. Jamais à l'abri d'une bonne esbroufe. cette émission on l'arrive à la fin. Est-ce que je dois en parler les autres cotes? Oui, vas-y, dis-moi quelques autres cotes. Bah, alors, les matchs qui seront mardi soir et mercredi soir. Pour les matchs du mardi soir, j'ai noté en match intéressant, hein, j'entends. Monaco contre le FC Bruges. Monaco qui doit jouer sa place en Europa League. Du coup, c'est un match intéressant. Ouais. Du coup, c'est un match intéressant à Paris, nouvelle, hein. Pas à regarder, attention. Monaco est à 2,10. Le nul 3,50, Bruges 3,30. Pourquoi pas tenter Monaco? Après, ouais, Atletico contre Dortmund, ça reste un match intéressant à regarder et à parier. Ouais, la revanche. Exactement, puisque l'Atletico a pris 4-0 à l'aller. Atletico Madrid côté 1,76, que je trouve vraiment faible, de façon assez incompréhensible. Le nul est à 3,60 et Dortmund 4,50. Pourquoi pas tenter un nul? Ensuite, il y a le fameux match, hein, Napoli contre le PSG qui va jouer sa qualif. Le PSG est à 2,30, sachant que ça se joue au Napoli. Le nul est à 3,65 et Naples à 2,85. Ça c'est pour les matchs du mardi. Le mercredi, j'ai noté plutôt trois matchs vraiment intéressants. Benfica contre Ajax, qui est un match assez indécis, sachant que l'Ajax s'est imposé sur le fil à l'aller. Benfica reçoit et est à 2,40. Le nul est à 3,30. L'Ajax est à 2,90. Je vois bien Benfica en besoin de points gagnés à domicile. C'est un peu la crise à Benfica. Hein. Il y a ça aussi, donc je sais pas. Je pense que c'est un peu casse-gueule aussi à parier. Comme le Lyon Offenheim, pour moi il est impariable ce match. Lyon 1,90, le nul 3,90, Offenheim 3,65. Et enfin, en match intéressant, j'avais aussi CSKA Moscou contre Rome, parce que Rome, c'est un peu le même cas de figure que Benfica, ça va pas du tout, ça va pas gagner depuis 4 ou 5 matchs en Serie A, si je ne m'abuse, mon Yacine. Oui, c'est ça, mais après, on va dire que... Sur 5 des champions. Ouais. Oui, c'est ça, mais l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont un groupe à leur portée, ils ont à tous les jours lors de la journée ils sont premiers, précédente. Ils sont premiers, justement, comme ils sont premiers, je les vois peut-être un peu se relâcher et chercher le nul à Moscou. C'est possible, après, il ouais, fera froid, c'est toujours compliqué d'aller gagner au CSKA. Ah, mais il n'y a pas, pas que des Rabiot dans l'équipe, hein. Il fait froid. Moi, malgré tout, je voudrais dire. Non, mais bon, CSKA, c'est pas des peintes non plus. Voilà, je préfère parler du niveau du CSKA. On va peut-être pas parler du CSKA, mais oui, ça serait une cote à. Oui. Une cote à match nul à tenter. Oui. À 3,60. Sinon, on peut tenter 1 ou nul, c'est-à-dire CSKA Moscou, match nul à 1,77. Ok, très bien. On va continuer. Et puis, est-ce que notre cher Guillaume Bialès a un petit mot pour terminer son allocution? Écoutez, j'ai pu, malheureusement, c'était dans les transports, donc j'ai pu écouter qu'une deuxième partie de l'émission. Mais voilà, évidemment, je vous souhaite une très belle fin de centième. Et puis voilà. Évidemment, c'est un petit pincement au cœur. On repense au bon moment, au début avec mon kéké qui parfois avait un peu du mal à articuler ou à bien organiser tout ça. Ou mon Guy, finalement, aussi, qui a du mal à articuler. Avec le temps, il a réussi à un peu plus se cadrer et à prendre de la confiance. C'est comme le vin, il se bonifie. La répartie toujours de mon team à ma hauteur. C'est toujours plaisir d'avoir un concurrent à la hauteur. Donc voilà. Pas mégalo, le Guy. Il a gagné un duel et sans plus. Il a pris des galons. Ouais. Oui, ouais. J'ai gagné en plus par KO, donc je suis revenu avec la panière. On se calme, monsieur, on se calme. Les duels mythiques Rennes-Saint-Etienne avec Guillaume Savary, tout ça. Quoi. Ouais, voilà. Aussi mythique les échanges et les pourrir avec mon team ou mon Léo à l'époque aussi déjà. C'est vrai. Qui était les troublions de l'équipe, donc voilà. Qu'on n'a pas pu avoir malheureusement ce soir. Il termine à 22h. En même temps, ouais, il est en direct pour lui. Ok. Il est toujours aussi vaillant. Voilà. Merci Guillaume d'être passé dans l'émission, c'est même normal, par téléphone. Je me devais d'être là, même si. Le devoir. Loin, ce temps le cœur est là, toujours, bien évidemment. Le travail bien accompli. Le cœur y est toujours. Merci Guillaume et nous. Merci à vous les gars. Et bonne soirée. Bon, bonne soirée. Ciao. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao. Bonne soirée dans le transport. Stop là. Bisous. Ciao. Vive la NBA. Et on va passer pas tout de suite au dernier appel parce qu'on a il faut appeler la dernière personne et non pas des moindres qui était aussi la première et peut-être la seule chileuse de cette émission. On n'a jamais eu deux chroniqueuses derrière. J'en profite justement pour faire mes remerciements moi aussi pour cette centième. Un grand plaisir d'avoir fait cette émission, enfin de faire cette émission avec vous. On espère aller jusqu'au 200, au moins jusqu'au 150. On sait que cette année on ira au moins jusqu'au 130 jusqu'à la fin de l'année. Ouais. Et donc voilà, un plaisir s'il y en a qui voulaient dire un petit mot là-dessus, peut-être Romain ou Tim. Moi j'aurais tout simplement remercié Radio Campus et l'étonnant. Je pense notamment à la régie technique, à Arnaud, Tom qui nous ont permis de faire cette émission. Une opportunité pour nous, une expérience à la fois humaine et je pense aussi professionnelle associative permet de le fait de toucher le micro et de pouvoir construire une émission sur le long terme, parce que ça fait quand même depuis 3 ans, je pense qu'on peut utiliser le mot long terme, et voilà. Oui. Merci à Radio Campus et merci à vous de nous accompagner. Peut-être Romain un petit peu. Oui, avant de laisser Yacine et puis notre appel Elsa, du jour, ouais. Notre chère Elsa, je vais derrière tout ce que dit Tim, je suis bien d'accord avec lui, et puis je sais que justement tu citais Arnaud lors d'une discussion en off de à propos de l'émission, il m'avait dit que pour une émission comme Sport & Chill, quelle que soit l'émission à Radio Campus, passer à une 4e saison et arriver à ce volume d'émission, c'était un véritable cap et quelque chose qui montrait que c'était une émission importante, phare de Radio Campus Montpellier et voue à se pérenniser et qui fonctionnait bien. Et moi je trouve que c'est le cas, on se régale, on a intégré petit à petit de nouvelles personnes. Voilà, on a Guillaume avec nous, Coucou. On a Yacine, Paul qui est pas là ce soir, je me permets de saluer aussi Théo, on a eu qu'on n'aura pas ce soir, on a Alex de Léo, Carlo, on a Alex Gros, bien sûr, voilà. En effet, Thomas Truffin également, Max qui arrive cette Max année aussi. Max qui arrive, donc voilà, toute une belle équipe et qui a su aussi de temps en temps tourner pour qu'on ait à chaque fois un volume par contre de chiller adapté pour faire des émissions qualitatives, et puis on se régale depuis 3 ans, je pense que ce sera encore le cas jusqu'à la fin de cette saison, et puis j'espère que avec nous ou pas avec nous, espérons qu'on reste avec Tim, que ça perdure et qu'il y ait toujours la même qualité derrière le sport montpelliérain et tous ces sports qu'on met en valeur. Et puis voilà, par exemple, sur certains sports, il y a eu beaucoup de progrès depuis les débuts. Et puis dernièrement, j'avais écouté la première émission et on se régalait à la... je me suis régalé à la réécouter, nous réentendre à nos débuts avec Tim. Et on voit qu'on a fait du chemin. Je serais curieux de le faire. Donc, les larmes. Je te lance cette curiosité. Tu l'as la date de la première émission ? Mais c'était novembre 2015, d'accord. On avait fait la première non diffusée en octobre. Le micro. Et ensuite, on avait fait début novembre. D'accord. Allez, Yacine, on va s'arrêter. Moi, j'essaierai d'être bref. Hein, non, je saluerai la qualité qu'a cette émission, à savoir une rotation d'effectifs plutôt bien menée. Car non, mais il faut le souligner parce que la qualité des personnes présentes, semaine après semaine, en termes de résultats, de débats, etc., n'a jamais varié. Il y a toujours eu un très très haut niveau. Je salue évidemment la régie technique, comme d'habitude, qui nous a permis de nous exprimer dans les meilleures conditions, de permettre de faire en sorte que cette émission perdure. Et évidemment, longue vie à Sport & Chill. Tout à fait. Merci. Idem. Et vive la France. C'est pas des adieux. Allez, sinon, on reçoit notre dernière chroniqueuse, notre seule chroniqueuse Sport & Chill, malgré bien qu'il y ait eu des défis évidemment dans Sport & Chill en tant qu'invité éphémère malheureusement. Bonsoir Elsa. Hello tout le monde. Salut. Salut. Bonsoir. Salut. Comment ça va? Une petite émotion de revenir dans cette émission. Bah oui, du coup, en tant que fière représentante de la gente féminine, c'est ça que tu as souligné. Je me rappelle que tu disais souvent ça d'ailleurs. Non mais toujours, hein, depuis, je le représente depuis quoi, bien maintenant. Ah, il est fier. Ouais, je crois que... Justement, on a fait des appels fin d'année dernière et c'est début d'année. On cherche activement des chilleuses pour cette émission. Est-ce que tu aurais un mot à dire pour les filles et les femmes qui nous écoutent pour qu'elles viennent nous rejoindre pour parler sport? Bah déjà qu'elles n'aient pas peur de prendre la parole dans un domaine peut-être qui est très représenté par les hommes et que c'est pas forcément évident au début parce que vous avez des avis qui sont souvent... divergent. Et c'est un peu difficile à des moments de prendre la parole, mais il y a on sent du vécu. Non, mais après, à partir du moment, c'est une très bonne équipe, c'est une très bonne expérience, et je pense que c'est quand même très enrichissant et agréable de se confronter, de débattre sur des sujets, et c'est important de donner un point de vue féminin, parce que le sport se féminise beaucoup, ouais, clairement. Que ce soit au niveau des journalistes, même au niveau des stars, comme la montée du football féminin. Mmh. Et je pense que les femmes, en général, devraient traiter ce genre de sujet. Très bien, bah, voilà, l'appel est lancé. Et peut-être un petit dernier mot de ta part sur l'expérience Sport & Chill avec l'équipe. Bah, c'était une très bonne expérience, et aussi là où je me suis fait mes très bons amis de sciences politiques. Donc vraiment... j'ai de très très bons souvenirs de la radio et je pense que j'encourage tous les journalistes en herbe ou même toutes les personnes qui ont envie de vivre une expérience très sympa à venir sur l'émission, à appeler et à débattre. Ah, c'est beau ce que tu dis. Parfait. Oui. Je pense qu'on a l'arme, hein, Elsa, sache-le. Petite dédicace à toi, Tim. Merci. J'apprécie beaucoup. Tu l'as fait rougir. Merci pour cette invitation. Merci. Je pense qu'on clôture bien cette émission et cette centième. Bonne soirée, de Sport & Chill. Ce petit quiz rétrospectif. Ah, ça dénonce. Bon, merci en tout cas Elsa d'être passée avec nous ce soir et d'avoir parlé. Pour la gente féminine, nickel. Je te remercie. N'hésite pas à revenir. En effet. Pas hésiter, ouais. Avec plaisir. Bonne soirée, les gars. Ciao, bonne soirée. Salut. Et nous, on va se quitter aussi également. On a pris un peu de temps, je suis désolé. On passe pas la soirée ici. Non, oh, ça va. Je suis désolé. C'est la centième, on est un peu légitime à avoir du retard, je pense. C'est vrai, exactement. C'est ce que j'allais dire. Allez, débat tennis. Et on est désolé pour l'émission juste après. On a pris un tout petit peu de temps aujourd'hui, mais on vous remercie encore et surtout à vous les auditeurs. On n'en a pas parlé, mais n'hésitez pas à parler, enfin à partager, à commenter surtout. Et on essaye au maximum de vous relayer. Malheureusement, on n'a pas assez de commentaires, donc n'hésitez pas sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur tous les plateformes de podcast. Il y en a plein, hein, iTunes, PodCloud, Mixcloud. J'en pourrais dire plus. Et on va ouvrir cette semaine a priori notre chaîne YouTube. Ça que de modernisation à Sport & Chill. Ça coïncide avec l'e-sport en effet. C'est, par rapport aujourd'hui. Et merci à eux du coup de continuer à nous écouter. C'est super. Merci à vous et on va finir avec notre son de la semaine. Et notre son de la semaine, c'est la première minute de la saison 1, épisode 1 de Sport & Chill. Wow. Où Keke fait les petites présentations. On sent un petit malaise quand même pour cette première, premier épisode. Ça. On va voir les larmes avec Tim. Les larmes, en effet. Je vais pas écouter l'émission. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour la 101ème émission. Et bonne soirée à tous et à lundi prochain. Salut. Bye bye. Ciao tout le monde. Bonne soirée. Sports & Chill. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sport & Chill, la nouvelle émission sportive de Radio Campus Montpellier que vous pourrez retrouver tous les lundis de 19 à 20h sur le 102.2. Et pour cette première émission, j'ai la Dream Team autour de moi, à commencer par ma gauche. Salut à tous, Jordan, enchanté. Enchanté, ensuite à sa gauche toujours, j'ai Timothée. Enchanté, bonjour à tous. Romain, comment ça va ? Eh ben très bien. Là aujourd'hui en plus, paraît-il, on va parler de rugby, donc c'est un grand jour, n'est-ce pas ? Écoute, et enchanté, content de démarrer cette aventure avec vous tous. Alors on a une grande équipe, on a 7 personnes en tout, on est 8, j'ai 7 chroniqueurs et on a la touche féminine de l'émission, Elsa. Donc bonsoir, fière représentante de la gente féminine. À quoi sa gauche, Thomas. Ouais, salut, nickel. Ah, un peu moins féminin là, la voix. Ouais, un peu moins, ouais. Un peu plus rock. Hein. Un poil plus rock, peut-être. Guillaume. Alors, bah, bonsoir à tous. Voilà, on a gardé maintenant le meilleur pour la fin. Je suis seul. Oui. bonsoir, Keke. Ton prénom peut-être ? Léo. Léo pour les demoiselles qui nous écoutent.